Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, l'émission 100% Formule 1 de Next Gen Auto. On est là ensemble ce soir pour débriefer le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc troisième émission en trois semaines puisqu'il y a eu trois courses de suite. Alors, autant vous dire qu'on n'est pas dans la plus grande forme qu'on a connue, mais on est au moins là, l'équipe complète pour en parler ce soir puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne a été particulièrement animé et particulièrement intéressant. Donc c'est vrai que là on a eu beaucoup de choses à dire et pas forcément beaucoup de polémiques par rapport à la semaine dernière, ce qui fait du bien, et surtout on a eu une belle qualif, une belle course, donc ça fait bien plaisir. On est donc quatre pour en parler ce soir, et avec moi il y a Paul qui fait son retour dans l'émission, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Comment ça va Paul? Bonsoir messieurs et bonsoir à tous, ça va très bien, ça faisait effectivement quelques semaines que j'étais pas passé. Très content en tout cas de vous retrouver pour, et je pense qu'on sera tous assez d'accord là-dessus, pour débriefer la meilleure course de la saison jusqu'ici, du suspense, une hiérarchie ultra serrée, enfin vraiment on a tout eu, une belle histoire, des beaux vainqueurs, je dis des beaux vainqueurs parce qu'il y a plusieurs pilotes qui m'ont impressionné et il y en a aussi d'autres qui nous ont tous beaucoup déçus. Donc c'était un beau week-end pour la F1, un très bon week-end pour certains pilotes, mais pour d'autres c'est peut-être... des séries qui s'enlisent et des futurs qui s'obscurcissent. On en parlera évidemment plus tard. C'est joliment dit et c'est probablement vrai. Effectivement, comme dit Laurentin, c'est un poulet de fou ce Grand Prix. Comment ça va Franck? As-tu toi aussi vécu un bon week-end après ta prédiction réussie de la semaine dernière? Salut, un super week-end. Je suis super content moi. Lewis, la belle histoire. Moi j'aime bien les belles histoires en Formule 1, donc c'est pour ça que j'avais dit Lewis aussi un petit peu. Et puis on sentait quand même que Mercedes ils étaient sur la bonne voie et bon... T'étais pas encore tout à fait dans le mood, toi, niveau direction Mercedes. Donc voilà. Là, au moins, après une victoire un petit peu fortuite en Autriche, c'est une vraie victoire à Silverstone. Donc super Grand Prix, évidemment. Je pense que du début à la fin, on s'est pas ennuyé. Il n'y a pas eu un seul tour où franchement, c'était vraiment un poulet. On va dire que c'était un poulet. Ouais. Du niveau de Bahreïn, hein, Paul. Ah oui. Mais pour vous faire des coulisses, à Bahreïn, Franck avait fait croire que la course était incroyable à Paul, qui avait été très déçu en la regardant. Il était très content de voir que c'était pas un foutage de gueule cette fois, que c'était vraiment une très belle course. Et donc, le quatrième mousquetaire est là aussi. Alex, comment ça va? Ça va très bien. Bah oui, on a vécu sans doute un des plus beaux grands prix de la décennie. Il faut trois ingrédients pour faire un bon grand prix, du suspense, du spectacle et des émotions. Et on a eu les trois à une échelle rarement atteinte, hein. C'est 5 dernières années au moins. Ouais, je suis d'accord, moi c'est vrai que hier on a fait un petit peu un débrief comme ça, on se disait que c'était une très belle course. Effectivement, en y réfléchissant, il n'y a pas eu beaucoup de plus belles courses que dans les dernières années. En tout cas, pas sur cette réglementation, je pense déjà, et probablement, après on a eu des courses plus dramatiques ou plus de tension, notamment en 2021, mais pas forcément des courses aussi belles en termes de sportifs. Petit point rapide, je voulais remercier déjà Hervé Rallycross, de s'être abonné à la chaîne. Je remercie aussi Phénicis qui a pris son deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Encore une fois, on vous rappelle, vous pouvez suivre la chaîne pour savoir quand on est en live et pour savoir ce qui se passe dessus. Et vous pouvez vous abonner pour nous soutenir, ce qui nous permet, comme vous avez dit la dernière fois, de faire beaucoup plus de contenu forcément au fur et à mesure qu'on aura le plus d'abonnés. Zohan, c'est Manu, la conclusion, les belles courses sont souvent dues à des évolutions très importantes des pneus entre les relais. C'est vrai, mais aussi la météo, il y a aussi le fait qu'on a de toute façon une hiérarchie qui est très serrée. Une grille très rapprochée. Voilà, ça forcément, ça va jouer, et des courses comme ça, on risque d'en avoir d'autres, enfin on risque, tant mieux, hein. C'est une bonne chose, on aime la F1 quand elle est comme ça. Donc on va pas se priver de courses comme ça. Alors forcément déjà, une course remportée par Lewis Hamilton, première victoire depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, donc 2 ans et demi, soit 940 et quelques jours sans victoire, pendant lesquels il a eu pas mal de périodes difficiles, on l'a vu hier avec une grosse émotion au moment où il a franchi la ligne. Je propose qu'on commence directement tout de suite avec Mercedes, évidemment, puisque George Russell, lui, a abandonné sur un problème de refroidissement. Après avoir signé la pole position, Mercedes a verrouillé la première ligne et fait globalement un très très bon week-end. Alors forcément, la question qu'on se posait la semaine dernière, c'était: est-ce que Mercedes peut revenir aux avant-postes? La question qu'on se pose cette semaine, c'est: est-ce que Mercedes est revenu aux avant-postes? Et maintenant, est-ce qu'il va falloir compter avec Hamilton et Russell pour des victoires chaque semaine, Alex? Écoute, la dernière course en Autriche, donc aussi reportée par Mercedes, par George Russell, mais on savait que Mercedes avait la troisième voiture la plus rapide, puisque Russell n'avait gagné que parce que Norris et Verstappen avaient eu leur accident. Là, je ne sais pas s'ils avaient la meilleure voiture, en tout cas, ils avaient une aussi bonne voiture que Red Bull, que certainement Red Bull et que McLaren, on l'a vu, hein, et donc ils signent une première ligne, c'est pas innocent. Et en course, on sait qu'elles aiment aussi les conditions davantage froides. Les Mercedes, elles aiment ça. Donc, il y a aussi ça qui a joué. Je ne sais pas si elles pourront. Ça sera peut-être la même donne en Hongrie dans 2 semaines, parce que là, il faut s'attendre à des conditions. Là, on est presque sur un climat vraiment continental. Donc, il devrait faire très chaud en Hongrie. Alors, sauf si, évidemment, hein, si la météo sourit encore en Mercedes, il pleut, etc. Là, on pourrait avoir un dénouement différent. Donc, c'est difficile à dire. Conclure de cette course que ça y est, Mercedes aura une voiture qui pourra gagner sur tous les grands prix. C'est sûr qu'ils s'en rapprochent nettement. Depuis Monaco, c'est plus vraiment la même voiture. Leur nouvel aileron, mais pas que, a amené évidemment beaucoup de performances. Et Toto Wolff l'a dit, on a enfin une voiture stable. Et il a dit, voilà, on est revenu au bon vieux temps. C'est-à-dire que tous les développements qu'on apporte, ça fonctionne, on les comprend et ça produit ce qu'on attendait d'eux. C'était pas le cas depuis 2022. Voilà. Et si ça continue, donc si jamais ils comprennent mal la voiture, eh bien c'est évidemment un excellent signe, puisque Toto Wolff l'a annoncé. Si Mercedes va apporter des évolutions à chaque course, alors plus ou moins grande, mais à Budapest, ils auront des pièces, en Belgique, ils auront de nouvelles pièces, donc si ça continue à fonctionner bien comme ça fonctionne, bah, l'écart, hein, il y a des gains qui sont peut-être faibles à aller chercher, mais on a des écarts tellement faibles que ça peut effectivement propulser une équipe. À vous gagner 2 dixièmes, vous gagnez les courses, quoi, tellement les écarts sont serrés. Donc, bien voiture encore, je ne sais pas, dans les conditions froides, sûrement, peut-être que les évolutions vont encore très très bien fonctionner à Budapest. On voit une course au développement qui est assez impressionnante entre Mercedes qui sème un peu la concurrence et Ferrari qui décroche totalement. Voilà, donc c'est tout à fait possible. On a une saison très évolutive. Pour l'instant, la tendance à la hausse, elle est pour Mercedes. Ça peut encore bouger, bien sûr, mais en tout cas, c'est vraiment... on n'y croyait pas à Bahreïn, hein, très clairement, mais voilà, chapeau à toute l'équipe de Mercedes qui a fait un travail énorme. C'est vrai qu'on avait, après Bahreïn, on avait un petit peu... Et même sur les quelques premières courses, on était un petit peu violent avec Mercedes, surtout avec le discours et la méthode couée de Toto Wolff, où c'était très, très des promesses à chaque fois, en disant que la voiture était une bonne plateforme, mais qu'elle avait juste pas les évolutions qu'il lui fallait pour être performante. Et puis, bah, finalement, on se rend compte qu'il avait raison. Alors, on s'est souvent marré avec l'étoile polaire qu'ils ont trouvée, au point qu'il y a même quelqu'un qui a pris le pseudo étoile polaire dans le chat. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on dirait qu'ils y sont vraiment. Et effectivement, bah, on voit que alors Russell est toujours plus rapide que Hamilton sur un tour, ça c'est factuel. Mais effectivement, on a vu un Hamilton très très bon en course, particulièrement sur les phases de pluie et de changement de conditions, où il a été vraiment ultra rapide, notamment par rapport à Russell qui était un peu plus prudent dans ces conditions. Et c'est les moments où il a probablement gagné la course, puisqu'il a, il a vraiment pris de l'avance là-dessus à ce moment-là, Paul. Oui, oui, les premiers tours de Hamilton quand la pluie est arrivée, c'était un virtuose, hein, c'est-à-dire que c'est comme si lui connaissait déjà parfaitement les limites sous la pluie quand les autres les cherchaient encore un peu. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'avant. Bon, ensuite les McLaren sont passés, mais c'était on a vu du grand Hamilton, vraiment, et ça faisait bizarre de le revoir comme ça. C'est le circuit qui lui réussit le mieux finalement, hein. Rappelons qu'il s'est imposé pour la 9e fois, nouveau record sur un même tracé, et que voilà, que la piste soit sèche, mouillée ou séchante, on a eu quand même 3 conditions bien différentes sur ce Grand Prix, il était à chaque fois au niveau. Il n'était pas forcément le plus rapide sur toutes les phases, mais il a été le plus constant, et le tout où on additionne une bonne stratégie de rentrer au stand au bon moment, c'est-à-dire pour le dernier relais, un tour après Norris, c'est aussi ce qui fait la course. Et à tout ça, vous ajoutez plein de maîtrise et ça rend un très beau succès. Voilà, je dirais qu'il a dompté les éléments mieux que personne. Et comme je l'ai dit, sans être le plus rapide sur toutes les phases de course, il a été le plus constant et il est récompensé à la fin. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça a été vraiment impressionnant. Et même, bon, on y reviendra après, mais Verstappen, qui est normalement un des plus virtuoses dans ces conditions, était beaucoup plus prudent parce que moins à l'aise. Et effectivement, Hamilton était très rapide. Alors, Russell avait quand même fait le plus dur en restant dans le groupe de tête. Mais après, bon, il y a eu des problèmes. Lui a su rapidement qu'il allait devoir abandonner. Donc forcément, ça a compliqué la tâche de son côté. Alors je sais pas, Manu, si Russell avait déjà des débuts de problème, mais quand Hamilton le dépasse, il y a une sacrée différence de maîtrise quand même, hein, dans ces conditions là c'était sur le sec, il n'y avait pas photo, Russell maîtrisait parfaitement. Dès que les gouttes sont apparues, la tendance s'est complètement inversée. Hamilton, on aurait dit qu'il pilotait une voiture 3 secondes au tour plus rapide, quoi. Hamilton a toujours été super bon sous la pluie, on l'oublie un peu parce que récemment c'était un peu moins, il a eu moins l'occasion de le démontrer, mais il a toujours été très très bon sous la pluie, toujours à savoir comment se... Enfin, c'est à Silverstone en 2008 qui fait probablement une des plus belles courses de sa vie, avec des conditions similaires en fait, où il est où il détruit la concurrence et notamment son rival pour le titre, et voilà, donc c'est pas si... Puis ce qui m'a marqué chez Hamilton, c'est aussi le dernier relais en tendre, hein, le fait de préserver ses gommes tendres comme il l'a fait, hein, et Bono aussi l'a dit, hein, Peter Boynton, son ingénieur, ils ont fait des petits réglages entre les qualifs et la course notamment. pour que le train avant d'un Mercedes soit davantage doux, et c'est parce que c'est là où c'est décisif pour prendre soin des pneus, et ça a fait toute la différence en fin de course. On l'a vu qu'Hamilton, il avait des performances qui étaient certes en deçà de Verstappen, mais ce n'était pas l'effondrement qu'on a vu chez Norris, avec en plus une différence pneu qui était d'un tour ou deux tours hein, plus vieille pour Hamilton. Donc il a aussi fait sa maîtrise en termes de gestion des pneus, hein. Alors, c'est une qualité, évidemment Hamilton il a presque toutes les qualités, mais dont celle-ci, qui était pour moi très impressionnante. Et le contraste avec Norris était d'autant plus frappant. C'est ça. Sachant que contrairement à Norris, lui aurait pu, n'avait pas de médium. Il avait le choix entre soft et dur seulement. Et donc, il a fait un travail d'autant plus remarquable là-dessus. Et on en parlera plus tard, mais Norris, avec un train de médium, à mon avis, l'histoire aurait pu être bien différente. Ouais, totalement d'accord là-dessus. De toute façon, ils en sont très conscients, je pense, chez McLaren. Mais effectivement, tout s'est aligné pour Hamilton, ce qui s'était plus fait depuis 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'alors, on l'a vu, pour parler un petit peu du côté hors piste et humain de la chose, parce que c'est intéressant aussi, on a vu un Hamilton plus ému que jamais, je pense, ou en tout cas pas depuis son premier titre en 2008. Et effectivement, je pense que ça permet aussi de mettre en exergue un peu tout ce qu'il a traversé depuis 2022, parce que, enfin, depuis 2021 même, parce qu'effectivement, il a parlé de doute, il a parlé du fait qu'il s'était qu'il avait dû se remettre en question, qu'il s'était demandé s'il avait été assez qui s'est demandé s'il était encore assez bon pour la F1, et c'est vrai qu'on sait que c'est un milieu qui est quand même plus que élitiste, et on voit que même un septuple champion du monde peut être dans une période creuse et d'une période totale de doute, au point de vraiment craquer nerveusement quand il retrouve la première place. Je sais pas, toi Franck, ce que ça t'a inspiré tout ça, est-ce que tu t'attendais un peu à ce genre de réaction quand même après la longue période difficile de Hamilton? Alors, je l'attendais peut-être pas aussi fortement que ça, mais le fait que ça se passe à Silverstone, forcément, c'est hyper symbolique. En plus, c'est le premier pilote à gagner 9 fois le même Grand Prix. C'est quand même assez dingue, même circuit en plus. Donc voilà, il y a une portée symbolique à ce retour à la victoire de Lewis. C'est aussi la dernière fois que Lewis et Mercedes roulent ensemble à Silverstone. C'est la première effectivement victoire depuis la triste saison pour lui, en tout cas triste finale de 2021. Donc oui, effectivement, beaucoup de portées symboliques sur cette victoire. On rappelle que Russell a pu gagner 2 fois. La dernière fois, donc, c'était en Autriche, et une fois avant, c'était au Brésil en 2022, dans l'ère de l'effet de sol. Et Hamilton n'avait pas réussi à en remporter une. Donc, les Mercedes n'étaient pas du tout au niveau. Et effectivement, on sait qu'il est passé par toutes les étapes. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement croyant, voilà, mais aussi qui est très motivé, qui aime s'isoler pour se remettre en question. Et voilà, comme tu l'as dit, même il doutait encore de pouvoir retrouver la victoire. Et finalement, à son âge, entre guillemets, bon, du coup, ça lui a fait prendre pas mal de records avec cette histoire de longueur. Voilà, le fait qu'il a plus de 300 Grands Prix aussi, c'est le premier pilote à avoir gagné alors qu'il a plus de 300 Grands Prix en compteur. 340. C'est ça, 340, ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont hyper éboulantes. Et oui, on sait très bien à quel point Abu Dhabi 2021, ça l'a marqué. Et le fait que la suite d'Abu Dhabi 2021, ça soit une Mercedes pas compétitive dans cette nouvelle ère de la F1, forcément, c'était un coup encore plus rude, quoi. Mais il s'est accroché. Alors, il s'est accroché jusqu'au mois de janvier de cette année, puisqu'il a décidé de s'offrir un nouveau défi chez Ferrari. Un point que tout le monde disait bravo, parce que quand on a vu la forme de Ferrari en début d'année, on dit c'est un bon pari quand même. Et puis bon, finalement, les choses sont de nouveau en train de s'inverser, donc il ne crée pas un peu de regret non plus. Donc on ne fera pas effectivement de regret à ce niveau-là. Ce sera effectivement un autre pari. Pour aller choper le titre mondial cette année, c'est effectivement, je pense, un peu trop tard. Même si, avec une Mercedes qui reviendrait bien en forme, si, comme tu l'as dit, Alex, les évolutions de Budapest et Spa sont vraiment dans la lignée de tout ce qu'ils ont réussi à comprendre pour trouver de la performance sur cette voiture. Attention à un gros enchaînement de Mercedes sur la. Alors, je souhaite évidemment pas une domination de Mercedes pendant 12 Grands Prix, mais au point où vont les choses, c'est pas. On est à la mi-saison, mais je veux dire, on est qu'à la mi-saison, donc ça peut vraiment basculer dans beaucoup de choses. Là, l'avantage, entre guillemets, pour Verstappen, c'est que beaucoup de pilotes derrière se prennent des points, donc les uns les autres, donc c'est un petit peu ce qui protège son avance, et d'ailleurs, il a encore augmenter son avance ce week-end au championnat. Mais non, voilà, bref, pour revenir sur la partie symbolique émotionnelle pour Lewis, moi, j'ai Je l'avais dit la semaine dernière, je prédis une victoire d'Hamilton parce que, un, je sentais quand même que Mercedes pouvait le faire. Et qu'à Silverstone l'an dernier, c'était déjà pas mal. Hein. Donc, ouais. Je le rappelle, si sur ce genre de. La Mercedes n'a jamais eu trop de mal à trouver de l'appui sur les hautes vitesses. C'est vraiment plutôt maîtriser les rebonds, genre de choses qui pénalisaient. Et puis voilà, la portée symbolique de la chose. Et bah, pour la belle histoire de la F1, je pense que tout le monde était ravi de voir la victoire de Lewis. Tout le monde, peut-être qu'il y a des anti-Lewis primaires qui traînent encore ici ou là, mais. Je pense que 95% des fans de F1 et de la F1 étaient super heureux de voir Victor Lewis. Et même Max Verstappen était super content de voir Lewis. Il a dit, ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu là. Je vous passerai la réponse très philosophique que Lewis, que je ne peux pas répéter sur les ondes. Mais voilà, effectivement, c'est super pour lui. Quoi. Donc voilà, il faut confirmer aussi, hein, évidemment. Donc, à quel point Mercedes peut confirmer, ben voilà, ça va être le point d'interrogation de ces prochaines courses, comme tu l'as dit, Alex. Ouais, alors c'est vrai que effectivement, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est une belle histoire. Il est à 199 podiums, dont 104 victoires du coup. Et puis, alors la petite statistique amusante, c'est que le double vainqueur de Formule 3 ce week-end, Arvid Lindblad, n'était pas né quand Hamilton a remporté sa première victoire dans Formule 1. Donc on voit à quel point la longévité d'Hamilton est quand même impressionnante. Et donc on en est à 6 vainqueurs différents cette année aussi. Alors ça, c'est vrai qu'on pourrait revenir au fur et à mesure de l'émission, parce que maintenant on en est à 4 équipes, enfin on avait déjà 4 équipes qui avaient gagné. On en est à 6 pilotes vainqueurs, et c'est vrai que on n'aurait pas prédit ça en début de saison déjà. Et puis bah, on voit que ça, voilà, là on avait quasiment 5 candidats à la victoire en fait tout le long de la course, parce que les deux McLaren et les deux Mercedes étaient vraiment au niveau, et Verstappen n'est jamais à enlever de l'équation, donc c'était plutôt impressionnant. L'an dernier on a eu 3 vainqueurs différents. Oui, voilà. Cette année on peut parier sur 2 équipes. On peut même parier sur un truc improbable, tu sais, une course un peu à Gasly Monza ou quoi, où t'as une victoire d'une autre équipe, mais ouais, pas Perez. Bah, si Perez est encore là, mais c'est un autre débat. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, en tout cas pour Mercedes, c'est vrai que bah, en piste, ça a été très très bon week-end, le meilleur de l'année, le meilleur probablement depuis le Brésil 2022, qui avait quand même été très très bon. Et puis, alors hors piste, on a eu un petit peu de comme toujours, et des petites sagas qui continuent. Et c'est vrai que là, on a eu un petit mot sympa de Toto Wolff qui dit que maintenant, avec la voiture qu'il a, bah, en gros, ça pourrait potentiellement attirer Max Verstappen hein, ce coup-ci. Donc, alors je ne sais plus les mots exacts, je ne sais pas si qui a traité parmi vous. C'est Alex, quoi. C'est Alex. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit mot de Wolff. Et effectivement, ouais. Est-ce que Verstappen ne va pas commencer à se poser des questions quand on voit le retour en forme de Mercedes ? Bah, c'est ce que Wolff espère, bien sûr. Hein, mais je pense que Verstappen, il a peut-être plus en vue, à mon avis, 2026 que 2025. Où voilà, il vise plutôt le moyen terme. Et puis ça dépendra. En fait, ça ne dépend pas que du sportif. Hein. Chez Verstappen, c'est ça aussi. Hein, c'est l'ambiance qui pourrait se tendre à l'intérieur de l'équipe. On a eu encore aujourd'hui Marco, Horner, qui a publiquement démenti Marco. Parce que Marco avait dit, voilà, le petit nouveau fond plat, enfin les petites évolutions entre le fond plat que Red Bull a amené, ça valait un demi-dixième. Et Horner a dit, mais non, moi, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre. C'est totalement faux. Donc voilà, le groupe vit toujours aussi bien. Donc voilà, je pense que Verstappen, ça le saoule, toutes ces affaires. En plus, au milieu d'un triple course, vous n'avez pas trop le temps de penser à ça. À mon avis, je ne suis même pas sûr si c'est très très clair dans sa tête, mais voilà, forcément s'il y a les bisbilles qui augmentent chez Red Bull, et si en plus la Mercedes redevient compétitive, et si en plus peut-être que Verstappen a décidé d'en être en interne qu'avec Red Bull Powertrain et Ford, l'osmose n'est pas si excellente qu'elle ne devrait, évidemment ça plaiderait davantage vers son départ. Donc les étoiles semblent s'aligner. Après, on a eu tellement de surprises qu'on est à l'abri de rien, même pas d'une prolongation de Verstappen. Surtout qu'on a eu un retour dans la course de Carlos Sainz chez Mercedes en plus. Donc, Wolff n'a pas exclu effectivement que Carlos Sainz puisse venir. Il a dit que c'est 33,3% de chance pour Carlos, Max et Antonelli. Donc voilà, tout est ouvert hein, pour le baquet Mercedes en 2025 encore. Donc, non, mais effectivement, tu as bien fait de souligner, Manu. Si l'ambiance chez Red Bull continue à se dégrader, et on sait clairement que Marco et Horner ne se parlent quasiment plus, sauf pour ce qui est strictement nécessaire. Je vois un Max qui pourrait partir dès la fin de cette année, ça ne pourrait se renforcer que par la compétitivité de Mercedes qui revient. Et un titre avec Mercedes en 2025 pour Verstappen, pourquoi pas? Ça non, puis là, C'est pas illogique, quoi. Bah, c'est ça, et puis ça lui permettrait de préparer l'ère suivante de 2026, parce que mine de rien, avoir une année d'avance, enfin une année de préparation avant un changement de règlement, c'est quand même bien dans une équipe, tout en ne sacrifiant pas la performance qu'on pensait au début de l'année, ou même il y a quelques semaines encore, qu'il allait sacrifier s'il partait de chez Red Bull. Parce qu'il y a 2 mois de ça, quand les rumeurs sont nées, même 3 mois, on se disait de toute façon, si Verstappen part, il sacrifie un titre qui lui est quasiment acquis d'avance. Alors, moi, 2025, j'ai jamais trop cru direct parce qu'il y a quand même une grosse convergence des performances. Et chez Mercedes, il n'aura aucune chance. Sauf que là, on voit que Mercedes est maintenant au niveau de Red Bull, sinon, en tout cas sur certains circuits, et que du coup, ce seul problème n'en est plus un. Donc, Si Mercedes continue à gagner 2 ou 3 d'ici peu, le switch serait idéal même. ce serait le bon moment pour switcher. Bah, c'est ça. Si Mercedes, à mon avis, fait des grosses courses en Hongrie et en Belgique, je ne serais pas étonné, et que Red Bull continue à avoir déjà qu'une seule voiture, et puis des difficultés quand même à vraiment exploiter sa voiture dans toutes les conditions, je ne serais pas étonné que ça accélère le processus. Ouais. Donc voilà en tout cas pour Mercedes, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un petit commentaire personnel ou autre. Quand même, mon regret du week-end, c'est la course de Russell quand même, on ne saura jamais jusqu'où il aurait pu aller. On a mentionné le fait qu'il avait été battu par Hamilton quand la pluie est arrivée, mais quand même il se battait pour le podium, et qui sait qui sait ce qu'il aurait pu faire en fin de course dans les conditions séchantes. Il aurait peut-être lui aussi été très à l'aise, on ne peut pas l'exclure. Donc voilà, gros regret quand même, après avoir beaucoup félicité Hamilton, quand même mentionné que Russell était là lui aussi et qu'il méritait bien mieux, mais que malheureusement, la mécanique en a décidé autrement. C'est ça, c'est vrai que c'était un peu dommage, et malgré tout, il y a quand même 10-2 en qualif pour Russell. Donc on voit que Hamilton est toujours le pilote qu'il était et que Russell est toujours le pilote qu'on attendait qu'il soit. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oui, mais Hamilton n'est plus à son niveau, Russell n'est pas au niveau qu'on voudrait, tout ça. Mais moi, je le redis et je le maintiens depuis 2022. Mercedes a le meilleur duo de la grille. J'en suis convaincu. Ils ont un duo qui est stable, qui est fiable, qui n'est jamais très éloigné en performance. Il n'y a jamais une seconde entre les deux, ou très rarement. Et en tout cas, c'est sur dû à des conditions. Il y a plein de choses. Les deux voitures sont toujours là. En fait, au niveau où elle peut être, la voiture est toujours là. Et on l'a vu encore ce week-end. Dès que Mercedes fait une voiture qui vise la première ligne, les deux y vont. Et puis, les deux jouent la victoire, ou en tout cas jouent aux avant-postes. Donc, ça va être dur de dire en 2025 si c'est Verstappen-Russell le meilleur duo, ou Hamilton-Leclerc. Ouais, dans les faits actuels, je dirais quand même, si on avait ces duos-là, je dirais Verstappen-Russell quand même. Clairement, c'est sûr. Verstappen, ouais. Déjà, c'est derrière, quand même plus. Et dernière chose, puisqu'on soulignait la compétitivité du duo Mercedes, la bonne osmose aussi, Russell qui vient après la course féliciter directement Hamilton. Bon, c'est bon pour les caméras, évidemment, mais il n'est pas obligé de le faire non plus. Et si la relation n'était pas bonne, il ne l'aurait probablement pas fait. Non. Donc, c'est aussi une bonne chose, il y a du respect. Russell conduit aux côtés d'une légende qu'il domine, c'est les faits, tu les as rappelés, Manu. Il est quand même plus fort dans l'ensemble cette année. Hamilton a été plus fort en course ce week-end dans des conditions difficiles, mais n'oublions pas que c'est quand même Russell qui mène et qui, j'en suis persuadé, fera un très bon travail pour mener l'équipe à partir de l'année prochaine, sauf si effectivement un certain Verstappen vient lui coller au basque, et ce sera une autre histoire. Mais si on a un Antonelli ou même un Sainz, je crois en Russell comme leader de l'équipe sans problème. Oui. Moi aussi, et c'est vrai que là en plus, l'osmose dont tu parles, elle est logique parce qu'ils viennent de gagner tous les deux, en fait. Du coup, il n'y a pas de frustration de l'un ou de l'autre. Je pense que là, ça va être de plus en plus simple, en fait, entre eux. Ouais. Sauf s'il y a accrochage. Bah, c'est et ça. Tu joues pas le titre, ce qui aide beaucoup aussi à participer à l'harmonie, évidemment. Voilà. Ouais. Et donc, en gris, rendez-vous quand Hamilton et Russell vont s'accrocher au premier virage. C'est finir en pugilat. Verstappen va remplacer Hamilton en cours de saison, ça va être terrible. On a eu Leclerc à Monaco, on a eu Hamilton à Silverstone, on aura peut-être Perez au Mexique. On n'aura pas Alonso en Espagne, en tout cas. Ah, Perez au Mexique. Ni Van Dorn en Belgique. Il a fait l'an dernier, hein, Perez au Mexique, hein, joli. Je un joli tout droit. Après, il disputera pas le Grand Prix du Mexique, Perez. Non, c'est ça le problème. En tout cas, je ne vois pas gagner avec une RBF. Hein, donc, bref. Non, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que chez Mercedes, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts pour le coup, et c'est bravo à eux parce que on est sur une reprise. Alors, on n'est pas sur une progression aussi importante que McLaren l'an dernier, mais on en est vraiment pas loin. Maintenant, c'est à confirmer évidemment course après course parce que encore une fois, la voiture, notamment dans la chaleur, on sait qu'elle n'est pas bien, donc à voir dans les prochaines courses, et là en plus l'été arrive, donc ça peut jouer. À Budapest, il fait pas moins de 35 toute la semaine prochaine. Ça promet. des belles températures. Voilà, donc ça risque que ça sera un beau test pour le package complet, parce qu'on rappelle qu'ils avaient un package en trois parties et le package final était celui de Silverstone. C'était celui sur lequel ils avaient des grands espoirs, et on voit que ça fonctionne bien, sachant qu'ils ont aussi des évolutions qui devraient arriver sur les deux prochaines courses. Donc, Toto Wolff a dit à toutes les courses. C'est voilà. Simple. Ah non, mais c'est là ils sont remis en machine de guerre, et je pense qu'ils ont compris comment fonctionne la voiture. Maintenant ils peuvent enchaîner les évolutions. Donc, si ça se trouve, le budget plafonné est explosé, on ne sait pas. On va prendre l'an prochain. Ce serait con. Donc voilà, en tout cas pour Mercedes, très très beau Grand Prix. Alors pour Red Bull, deuxième place de Max Verstappen, 17e place de Sergio Perez après un week-end qui a été très très folklorique. On va en reparler plus tard. D'abord, on va consacrer le début de cette page à Max Verstappen, évidemment, qui a signé une deuxième place, comme il aurait pu signer une sixième place dans cette course, tellement il a vécu, je pense, quatre ou cinq phases de course différentes. Avant ça, on peut quand même dire que c'est très rare, mais Verstappen a commis une erreur en Q1. Oui. Avec sa sortie, alors une erreur dans des conditions évidemment très difficiles, à Copse, hein, donc il a endommagé son fond plat, il y a eu des réparations de fortune, mais qui n'y ont pas permis de signer la pole, hein. Peut-être qu'il aurait pu, évidemment, avec... dans des conditions normales. Donc voilà, hein, même Verstappen, évidemment, il est formidable autrement. Il jugeait qu'il aurait pu avoir la pole avec un fond plat. Ouais, je pense. Mais quand on voit sa course, j'en suis moins sûr. Hein. Bah, moi, je ne suis pas d'accord, et parce qu'en fait, ils ont parlé de 100 points d'appui perdu, mais ça, c'était avant les réparations. Avant les réparations. Oui. Avant et 15 points après. Et en fait, 15 points, c'est un dixième et demi à peu près, grosso modo. Et ça n'aurait pas suffi. Et effectivement, en course, à aucun moment, il avait la marge pour aller chercher les Mercedes dans les conditions normales. Et on l'a vu justement qu'il a été. Quand il a fait une course très intelligente, parce qu'il perd de la performance au moment où la pluie arrive, et il décide de totalement lâcher l'affaire en termes de chrono et de juste gérer pour rester sur la piste. Il perd juste quasiment 10 secondes, mais bah, c'était très bien joué parce que. Parce qu'il a réussi à sauver les meubles, en fait, pendant que la piste était dans des conditions difficiles. Et puis derrière, il fait un dernier relais complètement dingue, dans lequel il remonte très très fort. Il avait des pneus durs, donc forcément, il a pu attaquer tout ce qu'il voulait pendant les derniers relais. Mais effectivement, voilà, ça a été une course assez compliquée pour Verstappen, qui partait quatrième, qui a réussi à prendre une place au départ quand même, et puis qui... bah qui a fait une course d'attente en fait, et qui est pas assez loin de gagner. Il finit à moins de 2 secondes de Hamilton à l'arrivée, donc on se dit que s'il y avait eu 3-4 tours de plus, clairement il aurait pu aller jouer un petit peu dans la cour de Hamilton, quoi. Donc encore une fois, c'est l'assurance vie de Red Bull dans une course, dans un week-end très compliqué pour eux, parce que par contre le grand enseignement, c'est que sur les premières phases de course, la performance était pas si mauvaise, mais elle n'était pas bonne non plus, et Red Bull était clairement derrière Mercedes et McLaren. Ouais, moi, je veux rendre hommage aussi à quelqu'un qui, alors on parle beaucoup d'Adrien Newey chez Red Bull, a raison, mais Anna Schmitz, la stratège en chef, fait quand même un boulot extraordinaire, hein, puisque voilà, on parle, il y a beaucoup de femmes en F1 qui sont brillantes, mais peut-être que c'est la plus brillante, Anna Schmitz. Voilà, stratégiquement, ils ont fait absolument tous les bons choix qu'ils pouvaient, c'était clair, et ils ont eu tout juste. Et si, encore une fois, on disait même la semaine dernière, même à Barcelone, etc., même quand Red Bull n'est pas censé parfois gagner des courses, ils la gagnent, ou ils sont tout proches de la gagner, bah là, ils étaient encore tout proches de la gagner. Ils n'avaient pas la meilleure voiture, mais ils avaient sans doute la meilleure stratégie, peut-être un des meilleurs pilotes sans aucun doute. Donc voilà, c'est clairement un énorme travail. Puis opérationnellement, c'était parfait, hein, je veux dire. Voilà, Red Bull gagne deux arrêts au stand sur deux secondes sur Norris. Hein, voilà, bon, évidemment, je ne parle pas de la course de Perez ici. Hein, je parle de Perez a été sacrifié du point de vue de la stratégie. Mais voilà, stratégiquement, c'était encore une fois une masterclass de la part de Red Bull. Et s'ils ont failli gagner, c'est aussi grâce à Anna Schmitz, grâce à tout le milieu des stands. Ouais, tout à fait. Je vais juste répondre à une question du chat. Ils peuvent remplacer le fond plat sans pénalité, nous demande Étoile Polaire. Alors oui, c'est ce qu'ils ont fait pour la course. Le plancher a été intégralement remplacé. Ils ont ramené un plancher de l'usine, une nouvelle spécification, parce que la pénalité, tu l'as si tu changes de spécification entre le samedi et le dimanche. Si tu remplaces par une pièce similaire, il n'y a pas de pénalité. Par contre, pour la suite de la qualif, Q2, Q3, ils ont juste fait des réparations de fortune, puisque pas le temps de changer un plancher, évidemment, en l'espace de 5 minutes. Donc, je voilà, précise juste que le plancher, il est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche, parce que c'était vraiment limite, s'il n'avait pas eu. Tu aurais été obligé de mettre un ancien fond plat, et du coup Verstappen serait parti avec une voiture différente de celle de la qualification et aurait dû partir de l'arrière de la grille. Voilà. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Après, ils auraient peut-être pu piquer le fond plat à Perez. Mais oui, mais obligé, ah non, il l'aurait fait. Non, mais obligé, il l'aurait fait. Oui, ils auraient piqué le fond plat à Pérez et Pérez ne serait pas. C'est dans son grand, c'est dans ton contrat si tu te qualifies 10 places plus loin que. Mais non, que mais il piquait déjà les pièces de Weber quand l'autre jouait la première ligne. Donc t'as une Red Bull qui est en 19ème place. Oui, effectivement, oui, non, il n'y a pas trop de risque de fond gris finalement. Le fond gris, il était déjà prévu. Bon, c'est quand même passé pas loin, quoi, parce que ce nouveau fond plat. Qui... Pour l'instant, après, c'est fond plat pour Verstappen et fond de gris pour Perez. C'est un peu ça. Vas-y, Paul, du coup, je t'ai coupé avec ta question. Je te oui, pas de souci. Non, pour souligner encore une fois la course de Verstappen, moi, je lui mets un 10 sur 10, ça se rend compte parce qu'il est parfait. Hamilton est celui qui a brillé. Verstappen, pour moi, fait un truc encore plus impressionnant parce que terminer deuxième avec cette voiture, c'était vraiment, vraiment pas facile. Sa course, elle est parfaite parce qu'effectivement, on l'a mentionné, il a été patient au début de course. Quand Norris s'est prêt à le doubler, on a tous eu des flashbacks de l'Autriche, je pense. Je me suis dit, c'est la revanche. Non, cette fois, il a été intelligent. Bon, on n'est pas du tout en train de se battre pour la première place et on est en début de Grand Prix, donc ça avait à ce moment-là aucun intérêt de défendre. Mais je note quand même qu'il a été mature et je ne me rappelle pas de l'avoir vu laisser passer un concurrent sans bouger, c'est-à-dire même sans tenter un minimum de changer de trajectoire. Enfin bref, donc voilà, très mature à ce niveau-là. Il s'est pas non plus plein à la radio, sinon je suis sûr qu'on nous aurait diffusé tous ces messages parce qu'on se serait tous régalés de voir Verstappen souffrir, n'est-ce pas, après tout ces années passées. Mais c'est la preuve qu'il a gardé la tête baissée, qu'il est resté concentré, qu'il a fait son boulot et que voilà, comme l'a très bien dit Alex, avec en plus une stratégie parfaite et un niveau opérationnel impeccable chez Red Bull, il transforme une voiture capable de faire cinquième, parce que réalistement, c'est derrière les Mercedes et les McLaren. Ce dimanche, il fait deuxième. Alors Russell abandonne bien sûr, mais théoriquement, ça veut dire qu'au mieux c'était quatrième, quoi. Donc il fait une deuxième place, il joue la victoire en fin de Grand Prix. Il n'en est pas loin en tout cas. Donc j'ai rien à dire. C'est le Verstappen qu'on peut voir, et comme quoi il peut aussi être considéré comme le meilleur pilote du monde sans défendre sa place comme un mort de faim. Moi, je... ça c'est bien vrai. Moi, je note juste que la RB20, il s'en est pas trop plein en fait pendant la course, hein, en termes de comportement ou autre. Non. Donc ça veut dire que c'était un peu son vrai niveau. Et donc, c'est un petit peu inquiétant pour la suite, quand même, parce que Silverstone, c'est quand même un tracé qui doit... Qui était censé sourire à Red Bull. Exactement, donc... voilà, il s'est pas plaint, même sous la pluie. Tout le monde s'attendait à ce qu'il nous fasse une démonstration sous la pluie, mais alors pas du tout. C'est les autres devant qui sont échappés devant lui, donc voilà, c'était... Le niveau de la Red Bull était pas top, donc beaucoup de greening, notamment à l'avant, aussi bien avec les slicks qu'avec les intermédiaires, donc ouais, peut-être pas les bons réglages pour le train avant en tout cas, donc ouais, c'était, mais bon voilà, il s'est pas plaint, parce que d'habitude il aime bien se plaindre, hein, quand il y a un truc qui va pas sur sa voiture, là à part les pneus, bon voilà, la seule façon pour lui de se sauver, hein, finalement, c'était de mettre les pneus durs à la fin, et comme il savait qu'il pouvait taper dedans comme un mort de faim, ça envoyait des chronos, parce que ça allait forcément tenir les 12 ou 13 tours qu'il devait faire avec, et à ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Mais sans ça, effectivement, il était sur des œufs, hein, avec les médiums et avec les intermédiaires. Hein. Ce qui est extraordinaire avec Verstappen, c'est sa constance. Qu'on dit effectivement que Red Bull n'a plus forcément la meilleure voiture, on va dire, depuis Monaco. Voilà, bon, Canada premier, Espagne premier, Autriche deuxième... Autriche 5e et Silverstone 2e, donc il a creusé son avance au championnat du monde sur Norris de 3 points. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, ils n'ont plus la meilleure voiture, mais il a pris une telle avance et les autres se neutralisent derrière que au championnat pilote, ça sent quand même bon, hein, pour Verstappen. Même bon, c'est quand même très long encore. Il reste 84 points. 84 voilà. Points, ça lui fait quand même 3 Grands Prix de Joker. Et s'il arrive en plus maintenant à se contenter, entre guillemets, des très belles places intermédiaires, il va y aller tout droit. Voilà. Ça fait 7 points à reprendre par course, disons 6 avec les sprints, hein, donc ça ferait quasiment premier, deuxième pour Norris à chaque fois, donc on n'y est pas du tout. Sachant comme que... il gagne encore des courses sans la meilleure voiture, ça voilà, serait quand même bien de le battre. Déjà ça, et sachant que derrière ça se reprend des points, parce qu'au final, sur les 5 derniers Grands Prix, il marque 94 points. Le deuxième du classement sur les 5 derniers Grands Prix, c'est Hamilton avec 75 points. Puis Piastri 71, puis Norris 70, puis Russell 67. Les pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc ont marqué 53 et 37. Sergio Perez a marqué 11 points. Et du coup, on voit que, en fait, ils sont potentiellement 4, voire 6 derrière maintenant à se prendre des points. Et lui, il est toujours la constante de tout ça. Et au final, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour les autres d'aller le chercher, sauf effondrement total de Red Bull. Et ça, encore une fois, avec Verstappen avec la bonne base de voiture qu'ils ont et Verstappen dedans, j'ai du mal à y croire. Par contre, si on suit la logique du classement championnat constructeur des 5 dernières courses, McLaren a clairement sa chance d'aller chercher le titre en fin d'année, puisque sur les 5 dernières courses, Mercedes a marqué 142 points, mais eux sont très très loin au classement. McLaren en a marqué 141 et Red Bull en a marqué 105. Donc ça fait 36 points de concédés à McLaren en 5 courses. Si tu multiplies par 2, c'est 72 points. Et là, leur avance est de 60, enfin un peu plus de 70 points. Donc, 71. Ouais, c'est ça. Donc ça peut jouer assez rapidement si McLaren continue dans cette optique-là, et surtout si Red Bull continue à n'avoir qu'une voiture, puisque je pense qu'on peut passer avec une belle transition à Sergio Perez. J'avais juste encore un petit sujet sur Max Verstappen. Vas-y. Quand même, parce que juste noter quand même que la FIA avait admis son erreur par rapport à l'Autriche, qui est quand même eu un sujet Verstappen avant le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, quand même, sur tout ce qu'il a, sur ses manœuvres de l'Autriche quand même. Et quand même, la FIA a admis qu'elle aurait pu sortir le drapeau noir et blanc, parce qu'il y a une petite refonte du règlement sportif pendant l'intersaison, que même les commissaires ont oublié. C'est-à-dire qu'on peut aussi sortir le drapeau noir et blanc pour prévenir d'un pilote qu'il risque de se faire sanctionner. Donc, pour son premier mouvement au freinage, la FIA a admis qu'elle aurait dû sortir le drapeau noir et blanc, ce qui va peut-être éviter le deuxième et peut-être ensuite la fin donc, qui s'est produite. Donc voilà, maintenant ils se sont souvenus de ce point de règlement, donc on espère que ça peut effectivement calmer Verstappen sur ses mouvements en freinage pour la suite, si jamais il y a la suite. Et vu la bagarre qu'il y a maintenant en tête, il devrait y avoir suite. Et maintenant, moi, je n'exclurai de toute façon pas Mercedes totalement du championnat constructeur, moi, Manu, par contre. Et ils sont loin, le problème, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de retard. Ils sont à 140 points, ils ont pris 70 à Red Bull en 5 courses, c'est ça? Ils en ont pris 35 en 5 courses, donc c'est pour ça que je les vois un peu plus loin, ils sont loin de McLaren, en fait. C'est pour ça que... 35 en 5 courses, mais si la voiture, elle commence à être au top. Ah oui, après, si par contre, ils peuvent empiler les courses comme ça, où eux, ils sont devant et ils font pas trop d'erreurs, c'est sûr que... Si on rit Belgique leur souris, moi, peut-être que McLaren, effectivement, réussira à garder un peu devant, mais Mercedes, ils pourraient très très bien aller chercher Red Bull aussi, finir en 3e place pour Red Bull, hein. C'est pas impossible. C'est vrai. Ça fait reprendre à peu près 12 points par course, hein, donc c'est pas fait, hein, de toute façon, c'est loin d'être évidemment. Après, ils ont repris 7 points sur Red Bull là en Angleterre, en Autriche, ils ont repris 20 points sur Red Bull, donc effectivement, ça dépendra de la deuxième machine Red Bull. Ouais, c'est ça, hein. Paul, tu disais Je disais qu'il faudra quand même faire vite, parce que là derrière, on arrive à mi-saison, ouais. Donc il n'y a plus de joker pour les autres équipes qui veulent remporter la constructeur. Mais on le dit souvent, Nagel, les saisons ne sont pas assez longues. C'est vrai que franchement, 27-28 courses, ce n'est pas le trop. Allez, au revoir. Les saisons comme ça, pourquoi pas, hein, si c'est... Oui, c'est sûr. Non, en plus, ça, il y a une pause de 4 semaines, après on va pouvoir glisser 3 courses dedans. Non, ah ben ouais, mais j'ai vu, il y a plein d'espace en janvier. En plus, Mercedes aime les conditions froides. Bah, c'est ça, eux, ils vont mis les dépôts. Hein. C'est pas les play-offs. Helsinki en janvier, c'est doublé Mercedes. Ah là là. Ne leur donnons pas de mauvaises idées si jamais quelqu'un du bureau. De place de Bottas. Du bureau de la FIA écoute cette émission. Ne leur donnons pas de mauvaises idées. En tout cas, enfin plutôt de la FOM d'ailleurs. Oui, Perez, voilà, parce que c'était le sujet suivant quand même. Enfin bon, après, alors on va dire qu'on s'acharne un peu, parce que c'est vrai que ça fait maintenant quelques courses qu'on n'est pas très tendre avec lui. Mais en même temps, ça fait quelques courses qui nous donnent quand même pas vraiment de raison d'être tendre avec lui. Donc ce week-end, pour petit résumé du week-end de Perez, un vendredi plutôt positif, il était content de ses longs relais. Puis une sortie dans les graviers en... Oui. Il a fait que les libres 2 en plus, parce qu'Adjar avait la voiture en... Tout à fait. Donc libre 2 qui sont plutôt pas mal passés, libre 3 aussi, il se sort en Q1 et tanque la voiture dans le gravier, donc fin de la qualif, et ça lui fait une 19e place puisque Gasly avait 50 places de pénalité, on y reviendra. Red Bull décide de le faire partir des stands, et puis alors moi je tiens déjà à signaler qu'en début de course il passe plus de 3 tours derrière une steak F1 de Bottas qui n'a pas le DRS de la voiture de devant, puisque Bottas est à 2 secondes et demie de la voiture qui précède et n'arrive pas à dépasser la steak. Donc déjà pour moi ça c'est vraiment carton rouge pour un pilote qui a une RB20 entre les mains. Et puis derrière après de toute façon quand il est pas remonté à mieux que 16e, Red Bull tente une stratégie osée qui ne fonctionne pas du tout en lui faisant passer les intermédiaires alors que la pluie vient d'arriver et que la piste est encore sèche et surtout que la deuxième phase d'averse est la plus grosse mais 6 tours à arriver. Donc ses intermédiaires ont été cramés pendant qu'il était que la piste était sèche, il a dû en changer. Alors forcément, derrière la 17e place, elle est catastrophique, mais explicable par tout ça. Par contre, ils lui ont aussi mis des pneus tendres dans les 3 derniers tours pour signer le meilleur tour en course. Et son meilleur tour a été à 1 seconde 4 du meilleur tour en course de Carlos Sainz. et une seconde 3 du meilleur tour de Oscar Piastri qui était en pneu dur depuis une quinzaine de tours. Donc, non, médium, pardon. Donc, du coup, voilà. Moi, je. La question qu'on pose, alors maintenant, c'est vrai que là, on a quand même un changement de ton chez Red Bull, hein, puisque Horner a parlé d'équipe à une seule voiture. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pression qui se met sur Perez, mais la question, c'est quand est-ce qu'ils vont. Quand est-ce qu'ils vont stopper et débrancher la prise, quoi, parce que c'est compliqué quand même, là, à ce niveau-là. Enfin, moi, j'ai. Je veux donner des circonstances atténuantes à Perez, mais là, je trouve qu'il n'y en a plus vraiment. Je prends la parole sur ce sujet, parce que je l'ai un peu traité en fil rouge ce week-end. Effectivement, Horner a changé de ton, position intenable, hein, clairement, pour Perez. En fait, il y a eu une discussion avant même le Grand Prix de Grande-Bretagne, hein, sur le fait que voilà, ça n'allait pas du tout pour Perez en termes de points marqués. Comme tu l'as dit, la situation au championnat constructeur, elle est hyper délicate pour Red Bull, et elle ne va pas s'arranger si ça continue comme ça. Et donc, il y a une première réunion. Donc mis sous pression et tout, et voilà, et quelqu'un a fait fuiter effectivement dans la presse sur le fait que s'il se retrouve à plus de 100 points de Verstappen à la pause estivale, donc c'est dans deux grands prix, et là il est à 137 points, Red Bull peut le virer. Alors ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils peuvent le faire. Donc en gros, il a deux courses maintenant pour montrer qu'il est encore capable de sauver sa place et de montrer un bon niveau. Donc maintenant... Tout le monde dit oui, mais à chaque fois ça ira mieux, même lui ça ira mieux. Je l'attends à faire un super Grand Prix de Silverstone, disait-il même. Voilà, il a fait un excellent Grand Prix, hein, il est peut-être un niveau qui est peut-être pas celui qu'on attend, mais si c'est le niveau que lui attend, oui, effectivement, il était bien celui-là. Hein. Mais non, voilà, je pense que Red Bull, ils ont très bien compris qu'ils peuvent plus maintenant laisser passer ce genre de choses. L'enjeu au championnat constructeur, il est énorme. Helmut Marko a rappelé un truc, mais totalement juste et très clair, c'est qu'il y a d'un titre champion du monde constructeur, il y a énormément de bonus pour les salariés. Et les salariés, ils sont 1000 à attendre que Perez se sorte les doigts, comme on dit, et réussissent effectivement à faire fonctionner cette Red Bull au niveau où elle doit l'être. On ne dit pas qu'il doit être deuxième à chaque fois derrière Verstappen, on dit qu'il doit être à 1, 2 ou 3e grand maximum de Verstappen et faire des courses propres, se qualifier correctement et savoir dépasser les voitures quand il faut les dépasser. C'est le minimum syndical qu'un pilote de F1 doit respecter. Il en est extrêmement loin. Il ne fait aucune de ces choses. Là, voilà. Donc, ce qu'il a fait jusqu'à Miami, quoi. Enfin, jusqu'à Imola. Donc, Horner a très. Vrai. Pour la première fois, Horner a expliqué les possibilités. Hein. Ricciardo, Tsunoda, Lawson, les trois sont finalement une possibilité. On sait bien que Horner, il a une petite préférence pour Ricciardo, mais il a un petit peu de mal quand même à justifier de la promotion de Ricciardo. Étant donné que c'est plutôt Tsunoda qui prend le dessus sur Ricciardo ces derniers temps, même si Ricciardo s'en sort quand même plutôt pas trop mal lors de cette dernière série de courses. Donc ça va être en fait hyper tendu, ça va être un petit peu un shootout entre Tsunoda et Ricciardo. Ça c'est l'hybride des deux qui va finalement prendre le volant. Voilà, c'est entre Tsunoda et Eric Corda. Voilà, Eric Corda, du coup, et Perez, ça marche pas dans les deux sens. Zerep, du coup, lui, il va sentir le vent dans le cou, là, clairement. Donc, ouais. Voilà, il y a des tests prévus pour Lawson. Alors, les tests, c'est déjà prévu avant. Des tests, dès demain à Silverstone, il fait 200 km de roulage dans la RB1, donc la voiture de cette année. Plus, ils ont quand même prévu une journée complète d'essais privés à bord d'une RB18. Il y a de 2 ans, en fin de mois en Italie, certainement Imola. Alors pourquoi pas une RBF1, parce qu'en fait RBF1 n'a pas de monoplace vieille de 2 ans prête pour ça, donc ça ne veut pas dire que Red Bull se prépare à titulariser Lawson, c'est que Red Bull donne du roulage à Lawson via une Red Bull Racing et pas via une RBF1, donc faut pas essayer de voir plus que ça pour l'instant. Maintenant voilà, les trois scénarios sont possibles, donc voilà. Est-ce qu'ils ne veulent pas conserver Perez au cas où, quand même, Verstappen parte chez Mercedes? Non, parce que là, ils auraient un line-up. Moi, c'était ce que je pensais au début de l'année, quand Perez a commencé à être en galère et puis qu'il y avait les grosses rumeurs. Je me disais, ils veulent juste un élément de stabilité. Mais aujourd'hui, l'élément de stabilité, au pire, si vraiment t'en veux un, tu reprends Ricciardo et il ne fera pas pire que Perez. De toute façon, parce que Ricciardo est plus en confiance que ne l'est Perez. Et il est sur une dynamique qui est quand même au moins stagnante, voire positive. Là où Perez est dans une spirale mais infernale, comme moi, je me rappelle pas l'avoir vu beaucoup comme ça chez les pilotes, surtout les pilotes de Dauphine. Ricciardo n'a rien à perdre en comparaison de Perez, en fait. Ricciardo, sa carrière, entre guillemets, elle était finie il y a un an. Il est revenu, c'est un petit miracle. Après Perez aussi, chez Red Bull. Oui, c'est vrai, mais c'est différent quand même. Là, Perez, il a signé un contrat de 2 ans quand même. La pression, elle est là aussi, c'est qu'il sous-performe en ayant signé une prolongation. Là, Ricciardo, si on revient chez Red Bull, c'est que du bonus. Il se fait éclater, il se fait éclater. Bon, bah, on s'y attendait. Il a une dernière chance. Et si ça marche, c'est-à-dire s'il arrive à ramener des gros points, bon, bah, Ouais. tout est gagné. Par contre, si jamais ça se produit vraiment, si on voit Ricciardo aller chez Red Bull, qu'est-ce qu'on fait pour 2025? Est-ce qu'on le prolonge ou est-ce que. Il faudra aussi se poser la question parce que j'imagine qu'un pilote qui remplacerait Pérez en cours de saison, c'est pas juste pour 6 mois, ce sera aussi pour l'installer pour 2025 et 2026. Il faut un minimum préparer le règlement à venir, j'imagine, à moins que Ricardo arrive et soit catastrophique, évidemment. Mais si Ricardo est bon, est-ce qu'on le garde pour 2025? Est-ce que, enfin voilà, il y aura quand même pas mal de questions. Ah, si Ricardo Ouais, parce performe, qu'on ouais. a Ouais. Isaac Hadjar qui frappe très fort à la porte de Ouais. RBF. Moi. Avant lui, il y a Lawson. Lawson, il a une promesse de contrat. Ouais. Et c'est lui qui veut le placer en priorité. Donc, je vois pas Hadjar tout de suite, malheureusement, chez Red Bull ou chez Après, RBF1. s'il y a deux changements chez Red Bull, C'est deux ça. changements chez RB, voilà, ça libère des places. En fait, Oui, la alors. question qu'il faut se poser, c'est est-ce que. Parce que c'est la question que beaucoup se posent dans le chat. Si Pérez saute, est-ce qu'il est rétrogradé chez RBF1 ou est-ce qu'il part directement? Il Il saute. partirait. Et du coup, ça ferait que Lawson pourrait débuter cette année chez RBF1 si Ricciardo ou Tsunoda va chez Red Bull. Et derrière, par contre, effectivement, rien n'empêche. Alors, s'il y en a quelques courses comme ça, pourquoi pas? Parce qu'après tout, on aurait 9 courses, 8 courses comme ça, non, 10 courses comme ça même, si c'est la deuxième partie de saison. Et rien n'empêcherait derrière d'écarter Ricciardo si on voit que ça va pas forcément bien et de mettre Hadjar par exemple. Mais du coup, ça implique de mettre Lawson ou Tsunoda chez Red Bull. Et pourquoi, je ne sais pas, mais le management de Red Bull semble hermétique à l'idée de mettre un jeune pilote dans cette voiture. Alors là, apparemment, ils réfléchissent à Lawson, mais. En vrai, je comprends pas. Ils ont Tsunoda qui est là depuis 4 ans, qui est en train d'être formé, qui a de l'expérience, qui progresse, qui se calme. Et je comprends pas. Si tu mets directement Lawson dans la Red Bull, faut vendre la deuxième équipe au bout d'un moment. Ça sert à rien de former des pilotes si c'est pour pas les envoyer chez Red Bull. Et donc, c'est un petit peu. Enfin, cette gestion, elle me fait un peu penser à Toto Wolff en 2021 quand il avait refusé de mettre Russell parce que l'équipe dominait et qu'ils disaient que c'était une mauvaise idée de changer un pilote et que mettre un jeune pilote. Mais au final, Bottas fait pas une super saison en 2021, alors que finalement, Russell aurait fait mieux quand on voit la saison qu'il fait chez Williams. Et là, c'est pareil. Pourquoi insister avec Pérez et pourquoi le re-signer 2 ans? Alors là, ils sont partis pour virer en 2024 un pilote qui est prolongé jusqu'en 2026, ce qui est complètement absurde, mais. Moi, je comprends pas ce manque de courage des équipes alors qu'elles forment des pilotes. Donc, soit tu sais ce qu'il vaut et du coup tu le prolonges pas chez RBF1 parce que tu sais que t'en feras rien et du coup tu dis à Tsunoda bah c'est fini. Soit tu le prolonges chez RBF1, mais si jamais il y a un spot qui s'ouvre chez Red Bull, bah tu le mets parce qu'au bout d'un moment il n'est pas là pour autre chose quoi. Donc, moi c'est vraiment, enfin je trouve que la gestion globale des 4 baquets est vraiment pourrie et s'ils perdent Verstappen en plus, ça va être la foire absolue. Non, mais Hadjar Lawson, chez RB, on suggère dans le chat, oui, c'est tout à fait Ce possible. Après, serait le but de l'équipe. C'est pas le scénario préféré, par contre, des deux patrons, Mekies et Bayer, qui aimeraient bien quand même pilote de référence. Après, si effectivement Ricciardo se fait détruire par Lawson, s'il arrive, voilà, si Tsunoda est promu chez Red Bull, par exemple, ou si Ricciardo se fait détruire chez Red Bull par Verstappen, effectivement, Ricciardo ne conserve pas sa place au même titre que Perez. Donc, ça nous fait débuter Hadjar Lawson en même temps. Après, heureusement, au pire, ça débute en 2025. Ça laisse un an au duo pour s'installer avant la révolution de 2026. Donc, ça permet effectivement d'avoir des références par rapport à ce que vaut la voiture à peu près, parce qu'en 2025, ça sera une évolution de celle de 2024. Donc, c'est pas mal non plus. Mais bon, c'est clair que ça ferait trois nouveaux d'un coup, en fait. Ça ferait, enfin, trois nouveaux. Tsunoda chez Red Bull, Oui, ça c'est un serait changement. beauté. Et Lawson et Hadjar, effectivement, ça ferait. Effectivement, là, oui, là, on dirait, OK, Marco a bien réaffirmé que RBF1 est une équipe de juniors. Et de juniors, il y en a des bons, effectivement, chez Red Bull. Donc voilà, il faut faire sauter le verrou Pérez. Et je pense qu'actuellement, il est en train de décomposer totalement et que la pression elle est trop forte pour lui et que en termes mental, ça passe plus, hein, Non, clairement. c'est clair. Comment est-ce qu'on peut expliquer, au début de saison, il a fait un bon début de saison, Pérez, encore une fois, il était au niveau attendu. Comment, comme l'an dernier, hein, après au Miami, comment expliquer un tel effondrement? Est-ce que la Red Bull, elle a évolué dans le mauvais sens? Enfin, comment expliquer? Moi, j'ai pas la réponse, hein, que tout d'un coup, il y ait eu, à partir vraiment de Monaco, hein, surtout, enfin, même là, une catastrophe telle. Alors que début de saison était pas parfait, mais très bon. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que je pense que Pérez est sur le fil du rasoir à chaque fois. C'est-à-dire que je pense que son début de saison, où il enchaîne les podiums, il fait un très bon début de saison, psychologiquement, il est déjà au bout, il est déjà à fond. Et je pense qu'à au moindre grain de sable, en l'occurrence, là, le premier grain de sable, c'est l'élimination en Q2 à Imola, c'est là que ça commence. Je pense qu'il s'effondre, en fait, tout simplement. Et derrière, c'est la spirale. L'an dernier, c'est pareil. L'an dernier, tout va bien. Il a deux victoires, Verstappen en a deux, et il se prend une rouste phénoménale à Miami, et c'est là qu'il s'effondre. Et je pense qu'il y a un grain de sable, il n'a pas de ressources psychologiques, parce que face à Verstappen, il est déjà à fond dès le premier jour des premiers essais de l'année, en fait. Là où l'autre a de la ressource tout le temps. Et de toute façon, Verstappen est imperturbable, et Perez n'est beaucoup moins solide sur ses appuis. Et je pense qu'il s'effondre dès qu'il y a un problème. Et c'est vrai que là, si tu regardes bien, ça démarre avec l'élimination en Q2 à Imola. Et depuis, il fait qu'une seule Q3 depuis Imola. Donc, pour moi, c'est ça la raison du truc. Mais après, c'est pas non plus sûr. Hein. Je crois que Hülkenberg a marqué deux fois plus de points que Pérez. On sait quoi Il a marqué plus de points sur les cinq dernières courses, ça c'est sûr. Ah oui, il a signé. Non, je ne sais plus. Bon, je vais savoir en plus. Mais il a fait plus de Q3 et plus de points, je crois que. Enfin, que plus de Q3 sur toute la saison et plus de points sur les cinq dernières courses, en tout cas. Ouais, c'est vrai que Pérez va mieux après une période hivernale, hein, clairement, où il a pu se ressourcer, ouais. Un peu se quinquer, se repréparer. Ouais. Mais si effectivement il est déjà à la limite sur les premières courses, c'est effectivement un effondrement derrière. Ouais. Alors. La stat, c'est que ces deux derniers Grands Prix, Hülkenberg a marqué plus de points que Sergio Pérez lors des six dernières courses. Ah, ouais. Un petit bruit sonore derrière. C'est Pérez qui agonise. La violence. Après, j'ai vu des trucs dans le chat, des gens qui disent que Pérez est nul et tout ça. Calmons-nous, ce sont des pilotes de F1 et ils sont tous excellents. C'est juste que voilà, l'élément mental est vraiment crucial pour la confiance au volant. Et une F1, si t'as pas confiance, c'est une catastrophe parce que... Quand tu écoutes les pilotes de F1, ils te disent qu'ils sont obligés de déprogrammer leur cerveau pour piloter une F1 à la limite, parce que c'est quelque chose qui est contre ce que veut le cerveau au départ en termes de prudence, en termes de logique, de physique des voitures, etc. Et quand tu n'as pas cette... Et c'est ce que disait Ricciardo à l'époque où il avait vraiment ses gros problèmes chez McLaren, il disait quand tu n'as pas cette confiance-là, tu perds ses repères et tu perds la capacité à te dépasser. Donc là, ils sont pas dans une, il n'est pas dans une bonne phase, Ricciardo n'a pas été dans une bonne phase avant, mais ça n'en fait pas des brels pour autant, ça reste des pilotes de Formule 1, ça reste l'élite mondiale, et s'ils ne sont pas parmi les 20 meilleurs pilotes du monde, ils sont probablement parmi les 30. Donc, il y a quand même un juste milieu entre dire qu'ils sont nuls et dire qu'ils méritent leur place. Mais maintenant, le problème de Pérez aujourd'hui, c'est qu'il monopolise un des meilleurs baquets de la grille pour en faire quelque chose qui est au niveau des voitures du fond de grille. Et quand lui il prend une seconde en qualif, bah une seconde c'est ce qui regroupe l'ensemble du peloton sur une Q1 en fait. Et du coup c'est la différence entre la Q3 de Verstappen et sa Q1 à lui. Donc c'est vrai que c'est vraiment le gros problème. Après effectivement derrière je sais pas moi. En fait j'ai vu aussi que des gens disaient que Red Bull était traumatisé par Gasly et Albon. Mais Gasly et Albon ils les mettent chez Red Bull alors qu'ils ont respectivement 1 an et 4 courses dans les pattes pour Gasly. Et 13 courses dans les pattes pour Albon. Là, pour le coup, c'était n'importe quoi. Et ils attendent qu'il soit au niveau de Verstappen. Tsunoda, par exemple, s'il est promu l'an prochain, il aura 4 saisons de F1 derrière lui. Donc, il aura quand même l'expérience pour gérer ça. Et pour être, à mon avis, meilleur que Pérez. Nous verrons bien. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué de ce côté-là. Et effectivement, ça. Imaginez Pérez éliminé en Q1 au Grand Prix du Mexique. Non, imaginez Pérez au Grand Prix du Mexique déjà. Ouais, déjà, franchement. Ouais, c'est ça. Là, c'est la grosse cote aujourd'hui. Hein. Ouais, oui, parce que alors, du coup, la conclusion de tout ça, c'est qu'a priori, sa place est en danger. Il a deux courses pour se sauver et que bon, moi, je ne le vois pas du tout dans l'état actuel des choses faire mieux en Hongrie et en Belgique. Sachant qu'en Hongrie et en Belgique, c'est des courses où historiquement, il prend cher par Verstappen. Hein, l'an dernier, il se fait battre par Verstappen et l'année d'avant, Verstappen part 14e, lui il part en première ligne et il se fait dépasser par Verstappen qui gagne devant lui. Donc avant le 20e tour, je crois. Oh, même avant le 12e, 15e peut-être même. Ah, ouais, c'était fou. Parce qu'il y a que 44 tours en Belgique et je crois que au premier quart de la course, il était déjà devant Pérez. Donc c'est brutal et je pense que ça va pas aller beaucoup mieux. Donc moi pour moi, Pérez sera plus en F1 à partir de la pause estivale. Sauf si il y a un sauvetage des dernières minutes de Red Bull, parce qu'ils n'osent pas mettre un autre pilote dans la voiture, mais je crois pas trop. Mais après, pour rebondir dans une autre équipe, hein, je veux dire, si vous êtes Audi ou quelque comme ça. Bah, voilà, Audi serait un profil pas mauvais. Ouais, enfin c'est chaud. Hein. S'il y a un pilote comme ça en perte de vitesse, gros pari quand même. Hein. Mmh. Ouais, parce qu'on parle pas de l'état dans lequel était Bottas non plus à la fin de chez Mercedes. Par exemple, Bottas, à la fin de sa période Mercedes, il avait souffert pendant 5 ans face à Hamilton. Il avait eu aussi des saisons vraiment galères où il n'y a rien qui s'alignait. Mais on ne parlait pas du tout du même niveau de descente, quoi. Bottas, parce que Bottas faisait que des Q3 et tout ça aussi, hein, faut pas oublier. Il était toujours là, en fait. Ouais. Il était toujours là, au niveau minimum. C'est-à-dire qu'il avait des grands prix vraiment transparents, mais ça restait des exceptions. Sur l'ensemble d'une saison, si la voiture valait podium, bah, il était au pire dans le top 5, ce qui s'appelle aussi limiter la casse. La Perez, il passe pas la Q1. Hein, aujourd'hui, je vois difficilement une équipe du milieu de tableau miser sur lui comme leader. En pilote de complément, je ne dis pas. Et effectivement, je peux espérer qu'il retrouve de la confiance dans un projet moins ambitieux où il pourra redevenir lui-même et avoir une opposition moins forte en face. Enfin, aujourd'hui, je suis à la tête de n'importe quelle curie. Je ne lui confie pas un rôle de leader, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, même en fond de grille. Ah, moi, chez Audi, je voyais en numéro 2 de Hülkenberg, hein, par contre, évidemment. Moi, je le voyais en train de faire des tacos. En mascotte contre le Grand Prix du Mexique. Perez, c'est le seul pilote hein, en qualif, si on compte les sprints, en qualif et qualif sprint, il y a 15-0 pour Verstappen. C'est le seul cas où voilà, Perez est à 0. Tous les autres coéquipiers des pilotes ont au moins vaincu leur coéquipier à une reprise en qualif. Là, c'est et au-delà de la stat que tu mentionnes, Alex, il faudrait aussi voir les écarts à chaque fois, les écarts moyens, parce que tu peux te faire battre 15 fois d'un dixième et tu peux te faire battre 15 fois du demi à une seconde. Donc c'est là aussi. Bah, disons que les premières courses étaient 3 dixièmes et demi, hein, les 3 premières courses. Donc voilà, hein, Japon faisait une deuxième, ce qui est correct. Une deuxième à 66 millièmes, ce qui était très bien. Ensuite, en fait, ça s'effondre surtout à partir de Imola. Puis après, on passe à des écarts. Pire, c'était, je crois, en Autriche. Hein, parce que Q3, il prend une seconde 3. Et Q3 prend quasiment 9 dixièmes. C'est ça. Voilà. Presque une seconde et demie. Ouais. D'ailleurs, un grand philosophe en F1 disait qu'il vaut mieux se faire battre une fois de 15 dixièmes que 15 fois de 1 dixième. Mais c'est en tout cas, certes, c'est pas le meilleur pilote de la grille, mais c'est de très loin le pilote qui souffre le plus de la comparaison avec son coéquipier. Il n'y a personne qui galère autant. Même Sargeant, qui a finalement battu Albon en qualif en plus cette année, en ce moment, est très correct. Quoi. Il s'accroche et quand il est battu, il se prend 2-3 dixièmes, ce qui n'est pas non plus infamant. Enfin, c'est un très bon Albon. Et ouais, Perez est plus que n'importe qui, souffre énormément de la comparaison. Quoi. Mais ça n'excuse pas tout d'être face à Verstappen. Beaucoup de pilotes ne prendraient pas un tel écart face à lui. Oui, c'est ce que certains demandaient dans le chat tout à l'heure. Mais est-ce que Lawson ferait mieux? Est-ce que Tsunoda ferait mieux? Bah, je pense qu'il ferait pas pire en fait, parce que ils iraient sûrement de manière un peu plus décomplexée, avec beaucoup de progrès à faire là où Perez plafonne, voire s'effondre. Donc, moi, je pense qu'il y aurait pas, Enfin, c'est le pire choix actuellement, le statu quo en disant on garde Perez. C'est le pire choix que puisse faire. Impossible maintenant. Vu la catastrophe au championnat constructeur, je les vois forcément réagir. Oui. Soit ils réagissent, soit ils réagissent. Enfin là, il n'y a plus de on attend. Là, c'est l'un ou l'autre. Surtout qu'au rythme où ça va, normalement, d'ici 2 ou 3 courses, il est 8e du championnat pilote. Donc, c'est quand même... Par contre, à savoir si Red Bull a peut-être l'option, enfin la clause au Grand Prix de Belgique, mais s'il le garde en disant ça va bien, mais qu'après ça va plus du tout, est-ce qu'ils peuvent encore le sortir après? Ça, c'est la question, parce que peut-être qu'ils ont effectivement une fenêtre de tir pour le sortir de la voiture. Il y a la pause estivale. Et s'ils disent OK, tu peux continuer, est-ce que du coup, ils gardent forcément son volant jusqu'à la fin de la saison? Certainement. Et à ce moment-là, par contre, en vrai, c'est de la négociation pour des dédits, des paiements de contrats en avance et tout ça. Ouais. Maintenant, c'est pour ça qu'effectivement, les deux grands prix-là sont hyper importants pour Red Bull pour savoir. C'est le grand paradoxe que depuis qu'il a été prolongé, Perez n'a jamais paru aussi près de la porte. Ben je pense ça. Même que son contrat, peut-être qu'il est certainement signé, il doit certainement recouvrir son contrat actuel, peut-être qu'il annule et remplace le contrat qu'il avait encore en cours, avec en gros, on te donne tes 2 ans, par contre la clause de performance, on l'inclut maintenant. Je le vois mal se faire virer après la trêve, Franck, tout simplement parce qu'on se rapprochera de plus en plus du Grand Prix du Mexique, et d'imaginer Red Bull débarquer Perez à je sais pas, un mois du Grand Prix du Mexique. À Austin. À Austin, ouais. Au Mexique. Je dis du Mexique, ils mettent Lawson dans la voiture. Je pense que Horner ressort pas vivant du circuit. Il fait le week-end de sa vie, il fait la pole, puis il le vire le dimanche matin. Bon bah non, tu prends pas. Désolé, on s'est rendu compte que t'étais pas dans le bon pourcentage de points, donc tu t'en vas. Ce serait violent. Bon, bah, ce rythme où on va, on finit à minuit, les gars. Mais non, tu sais bien qu'on n'a pas grand chose à dire sur les petites équipes. C'est toujours pareil. On donne tout là. Bah, c'est ça. Mais non, mais il y a beaucoup à dire sur Red Bull. Tu comptes Ferrari comme petite équipe ou pas? C'est McLaren et Ferrari quand même, débriefé, les gars, je vous rappelle. Oui. On va justement passer à McLaren. Bon, McLaren, il n'y a pas grand chose à dire, c'était plutôt pas mal. Troisième et quatrième place. Dis celui qui a prédit Norris vainqueur la semaine dernière. Troisième, mais en fait, avec cinq ou six bonnes décisions entre temps, ça aurait été possible. Norris troisième, Piastri quatrième. Alors, c'est vrai que ça paraît être un très bon résultat pour McLaren. Le fait est que c'est pas un très bon résultat pour McLaren parce que la victoire et le doublé étaient jouables. Piastri est arrêté trop tôt sur la première averse, trop tard, pardon. Il le laisse en piste pour éviter de faire un double arrêt qui coûte 5 secondes, mais en fait, il perd à peu près 22 secondes dans son tour de, dans son dernier tour sous la pluie. Et puis, le deuxième arrêt, ils arrêtent Norris un tour après les deux leaders, enfin, les deux autres, ces deux rivaux que sont Verstappen et Hamilton. L'arrêt est raté, du coup, il ressort derrière Hamilton, et en plus, lui choisit de mettre des pneus soft alors qu'il fallait mettre des pneus médium. Donc un beau foirage collectif en fait. Et je rajouterai à ça les qualifs aussi, où Norris a fait une erreur dans son dernier tour, et Piastri n'est pas sorti au bon moment pour son dernier tour. Et là encore, occasion ratée, alors qu'ils avaient sûrement la voiture pour faire la pole aussi. Donc je pense que c'était le festival des occasions ratées. La pire décision, c'était quand même de ne pas faire de double arrêt avec la McLaren de Piastri. Enfin, en termes de voilà, ce McLaren, parce que même nous, depuis notre canapé, mais oui. On voyait les temps et on voyait clairement qu'il valait mieux perdre 2-3 secondes derrière à attendre que de se taper un tour de concurrent en plus. Quoi, je veux dire. Mais c'est... Ils ont cru, dans leur gourmandise, qu'ils auraient pu limiter les dégâts sur le deuxième tour de pièce. Et ils n'ont pas les stratèges à hauteur de leur voiture, tout simplement. Ouais, on voit que McLaren doit réapprendre à gagner. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit, et on s'est déjà fait la réflexion dans le passé avec d'autres équipes, c'est que des fois, on a l'impression que toutes les données qu'ils ont sont parfois polluantes pour prendre une décision, alors que nous, on n'a que le live timing. Et en fait, tu vois au live timing qu'il faut rentrer. Parce que, en fait, au moment où il rentre pas Piastri, il y a d'autres pilotes qui sont en galère sur l'autre partie du circuit. Tu vois les temps qui baissent. Tu vois que les pilotes ont déjà perdu 3 secondes et demie au tour sur le tour d'avant. Et tu sais qu'en fait, ça va être pire au tour suivant. Et que les 5 secondes en moyenne perdues par un double arrêt, elles sont facilement récupérées. Enfin, elles sont moins pires que ce qui va être perdu en piste, en fait. Et là, c'est vrai que ce festival d'erreurs de McLaren, bah, ça montre que l'équipe n'est pas opérationnellement à la hauteur de sa voiture. Et les pilotes, alors Norris s'en veut, hein, comme souvent. Mais l'équipe doit apprendre à gagner parce que, c'est Brand qui l'a dit, face à Red Bull et Mercedes qui ont enchaîné les titres et les victoires pendant des années et des années, bah, ils sont un peu jeunes, quoi. Ouais. C'est là aussi on voit le contraste entre d'un côté Verstappen, Schmitz et Lambiase, et d'un autre côté Bono, Hamilton. Alors Mercedes c'était pas top en stratégie, mais là ils ont fait tout bien avec une osmose aussi entre Bono et Hamilton, et en contraire, hein, Will Joseph et Lando Norris, c'est pas très très fluide, hein, notamment sur la Mercedes. McLaren devrait imposer ses décisions aux pilotes au lieu de demander à Norris. Alors t'en penses quoi? On a ça. Et je veux dire, Norris c'est pas le stratège de l'équipe. Hein. Alors bien sûr les conditions changent, etc. Mais voilà, simplement qu'ils se laissent parfois avoir trop le choix, ou ils sont pas assez fermes, ils sont irrésolus, et malheureusement l'irrésolution mène à l'indécision et qui mène aux mauvaises solutions. Donc voilà, ça fait beaucoup trop d'erreurs pour moi je comprends Norris parce que les deux erreurs de McLaren sur le double arrêt et sur le choix des médiums, enfin des softs au lieu des médiums, c'est des erreurs mais de débutants. Je veux dire, c'est lui qui choisit les softs par contre. C'est McLaren qui lui laisse le choix en fait. Mais c'était évident qu'il fallait prendre attaquer à fond les médiums. Il y en avait en plus. Et tout le monde l'a dit en plus à la radio. Mais c'est ça. Mercedes l'a dit. Dans la cool room, Hamilton a dit à Norris, vous n'avez pas des médiums, mais si, mais pourquoi tu les as pas mis? Mais c'est là le problème, c'est que Will Joseph dit à Norris, on a des médiums que les autres n'ont pas. Et à partir de là, McLaren ne doit pas lui laisser le choix, en fait. Doit lui dire, tu mets les médiums parce que crois-nous, c'est les meilleurs pneus. Et en fait, c'était sûr, c'était évident que les softs, c'était pas le bon. Le pire, c'est qu'ils s'étaient gardés des médiums exprès pour la course. Oui, c'est ça. Pour cette-là. Et on a vu avec Piastri qu'ils ont mis des médiums et Piastri était plus rapide que Verstappen. Piastri a fait le meilleur tour avant d'être battu par Sainz. Puis voilà, il a fait le meilleur tour jusque dans le dernier tour. Voilà. Et ouais, bon. Voilà. Mais pas mal, hein, 3 et 4, pas mal. Ça fait beaucoup à tirer comme leçon, quoi. Voiture toujours rapide, voiture moins rapide que la Mercedes, quand même, je pense, sur le Grand Prix. Et donc, Piastri, hein, encore une fois, donc il perd 17 secondes, sans parler de problème de placement en qualif, bref. Donc Piastri perd 17 secondes dans son arrêt au stand avec son tour de trop et il finit à 12 secondes d'Hamilton. Donc les calculs sont faits là encore. Piastri aurait tout à fait pu gagner. Ouais, clairement. Hein. Mais il a même failli mener, hein. Il était plus rapide que Norris à la place de la course, et il lui mettait beaucoup de pression. Mais... Ça fait deux courses que même Piastri, ça fait évidemment avec des si, mais bon, ça, c'est un peu vite de dire ça. Mais voilà, Piastri, c'est aussi son temps annulé en Autriche, etc. Donc c'est je pensais que les vendanges étaient en septembre, et voilà, on a pris un peu d'avance. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de victoires de perdues pour McLaren. Alors après, ils apprennent à gagner, ils apprennent à perdre, mais c'est vrai que. Il y a maintenant, le Canada aurait pu être gagné, hier ils auraient pu gagner, ça fait au moins deux courses. C'est eux qui marquent le plus pour le championnat constructeur, ce gain-là, 27 points. C'est ça. 25, mais c'est vrai que sans toutes ces erreurs, on ne parlerait sûrement pas d'une avance de 84 points pour Verstappen au championnat, on parlerait plus vraisemblablement d'une avance aux alentours de 60 points, et il y aurait d'un seul coup beaucoup plus de championnat qu'il y a actuellement, où, comme on l'a dit, il y a plus de 3 jokers d'avance là, pour Verstappen, donc ça paraît impossible à combler. Mais attention que ça ne devienne pas la saison des regrets pour McLaren. Alors évidemment, ils reviennent de tellement loin, on ne va pas leur demander d'aller jouer ici dès cette année. Mais en fait, si tous les week-ends sont réalisés parfaitement et que tu mets tes deux pilotes sur le podium quand tu dois le faire, et ben d'un seul coup, ton championnat il devient plus facile et tu reprendrais surtout beaucoup plus de points à tes rivaux directs. Et puis attention, McLaren n'est pas assuré de pouvoir jouer les victoires toute la saison. Hein. On a vu la forme de Ferrari, donc c'est pas dit aussi qu'ils reculent. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu. Bref, effectivement, comme il dit sur Brighton et Delicate, n'oublions pas où était McLaren il y a un peu plus d'un an. Chemin parcouru énorme, mais c'est vrai que maintenant, bah, on en est à un point avec McLaren où une troisième et une quatrième place sont un peu décevantes et un peu frustrantes quand on voit qu'au final, ils ont chaque week-end depuis Imola. Non, c'est Miami qui était avant Imola, donc ils ont chaque week-end depuis Miami la voiture pour gagner. Quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, le taux de conversion n'est pas très haut finalement, même si encore une fois, laissons-leur du temps, comme tu leur as dit, de réapprendre à gagner, mais ce serait bien que ça arrive vite pourquoi pas nous offrir un petit suspense en plus au championnat. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Et c'est vrai que par contre, Piastri fait vraiment des progrès sur la gestion des pneus et le rythme de course. Hein. Globalement, là-dessus, on voit du mieux aussi. Mais bon, c'est vrai que McLaren, c'est un petit peu compliqué. Après, la question aussi, c'est de savoir, est-ce que, alors je ne sais pas si un de vous qui a un avis là-dessus, mais est-ce que les patrons que sont Brown et Stella devraient maintenant commencer un petit peu taper du poing sur la table ? Parce qu'on les voit très compréhensifs, on les voit très encourageants, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'erreurs opérationnelles. Et est-ce qu'à votre avis, ils sont plutôt du genre à le faire entre des portes fermées, ou est-ce qu'il y a un peu trop de complaisance de la part des dirigeants de McLaren ? Je préfère taper sur Horner. Je pense qu'il y a une culture que chez McLaren, hein, c'est plus non plus Ron Dennis où le gars est crucifié et sa famille interdite ses joueurs à walking. Donc, je pense qu'il y a plutôt une culture positive, etc., de bienveillance, mais en même temps, la bienveillance, ça n'exclut pas l'exigence. Une culture à la base, c'est ça. Voilà, je pense qu'ils vont plutôt le Wolf. Tranquillement, changer de personne s'il le faut, mais avec un gentil sourire. On n'est pas vraiment dans le management type Red Bull, où là, on vous affiche en public et toutes les semaines, on vous enfonce un peu plus pour voir si vous résistez. Tout à fait, d'accord. Pas plus à rajouter. Ouais, pareil, c'est vrai que c'est à suivre et puis à essayer de faire mieux la prochaine fois. Ils vont encore avoir de toute façon des victoires à gagner, mais aussi des victoires à perdre, donc il va falloir un petit peu faire mieux. Ceux qui vont vouloir faire mieux, c'est Ferrari, parce que là, il y a pas mal de taf. On l'avait déjà vu sur les dernières courses où la voiture commençait à être un petit peu en dedans par rapport à ses rivales. Sainz termine 5e, Leclerc 14e après une élimination en Q2, qui a fait que lui aussi a tenté une stratégie comme Perez, qui n'a pas fonctionné. Mais globalement, Ferrari a été obligé de revenir à un ancien package qui est moins rapide, mais plus compréhensible. Mais parce que les évolutions ne fonctionnent pas et l'équipe est un petit peu dans le dur et dans les questionnements en ce moment, Franck. Oui, c'est je pense que c'est un package d'évolution qui pour l'instant est mis de côté parce que voilà, comme tu l'as dit, trop de rebonds. Alors sur une piste comme Silverstone, effectivement, les rebonds c'est cruciaux, hein, il faut absolument les éviter. Donc ils sont revenus en arrière sur le package d'Imola. Alors ça allait mieux en termes de pilotage, ça allait mieux en termes de sensations au volant, mais en termes de performance, évidemment, c'est un peu moins bien. Donc l'évolution fonctionne, mais elle rend la voiture plus délicate. Donc on a l'impression qu'on est rentré un peu dans un cercle un peu vicieux de ce que a connu Mercedes aussi à un moment. Donc il faudrait pas que ça se prolonge trop. Il faudrait qu'ils arrivent à comprendre pourquoi effectivement ces évolutions ont fait sortir la SF24 de la plage de réglages idéaux en termes de, bah, c'est vraiment de la hauteur de caisse, hein, parce que c'est clairement là-dessus qu'on joue. Donc voilà, et bon, effectivement, avec trois grands prix de suite, c'est pas évident de tout compiler les données, de faire des modifications, d'apporter peut-être une petite pièce ou une demi-pièce ou une partie de un nouveau ressort, je ne sais quoi, qui pourrait effectivement permettre de contrer le phénomène. Mais en Hongrie, malheureusement, pour eux, ça sera un circuit beaucoup plus lent, donc c'est pas là-dessus qu'ils pourront effectivement vérifier que leur package cause encore des rebonds. Donc bon, par contre, je pense qu'ils vont peut-être le remettre effectivement en Hongrie. Au moins, ils auront peut-être pas le problème de rebond là-bas. Par contre, effectivement, la réponse, s'ils le gardent, ça sera Spa, parce que Spa, c'est un circuit hyper rapide. Mais voilà, en le laissant un peu effectivement perdu, Carlos Sainz parlait même d'avoir perdu presque 3 mois de développement, enfin 3 mois de sur les autres en tout cas. Donc si effectivement la solution n'est pas trouvée sur ce package là, c'est 3 mois un peu dans la vue. Et quand on voit à quel point les autres équipes avancent, surtout Mercedes en ce moment, bah voilà, Ferrari se trouve aujourd'hui quatrième force assez nettement de ce peloton, quoi. Alors qu'ils étaient la première ou deuxième force il y a 3 ou 4 courses, quoi, il y a 5 courses. Donc c'est assez fou de voir comment ça évolue. Donc bon, bah, il faut plus qu'ils arrivent à effectivement retrouver la bonne direction, quoi. Voilà, ouais. Ni plus ni moins. Le problème de Leclerc, j'ai vu ça passer sur Twitter, il a usé toute sa chance pour gagner à domicile à Monaco et toute sa chance pour les 10 prochaines années. Et depuis, il souffre. Hein, voilà, il avait 100 secondes perdues hein, pour avoir chaussé donc, les intermédiaires trop tôt. Et Ferrari qui s'obstine à persister hein, dans l'erreur. Hein, l'erreur est humaine, mais persévérer, diabolicum. Quoi, on était exactement dans cette situation-là. Bon, après, vu sa situation, il fallait tenter un pari, évidemment. Mais pas évidente quand même la météo à gérer hein, sur le Grand Prix de Silverstone. Donc c'était pluie, soleil, extrêmement difficile à gérer. C'était pas des ruptures franches et nettes de météo. En plus, c'était pas que des parties de circuit et pas le circuit complet. Mmh. Et donc c'était vrai vu sa position, il fallait tenter un pari. Quoi. Mais c'est vrai qu'il il était bien monté. Il était remonté quasiment derrière Sainz. Il est miné en Q2 à la régulière. C'est ça Et il prend encore une fois un super départ. Hein. Comme en Autriche, il gagne 3 places au départ. Hein, quand même. Je tiens à le signaler. Ouais. Ça fait quand même 2 Grands Prix de suite qu'il fait un super départ, Charles. Ouais, c'est vrai. Après, le fait de persévérer dans son erreur, je pense que on a vu chez Ocon que remettre les slicks pour remettre les intermédiaires ensuite, c'était probablement pire. Donc, de toute façon, je crois qu'une fois que l'erreur a été faite, vu le timing des enchaînements de météo, c'était foutu. Donc, bon, après, je pense que sa course était compliquée. Puis, par contre, le problème, c'est que, après, c'est de l'interprétation, on ne sait pas exactement comment il est, mais le langage corporel de Leclerc à la fin du week-end, c'est il avait le monde sur ses épaules, quoi. Il était à plat comme il n'a pas été de la saison. Et c'est vrai qu'avec en comparaison avec le Leclerc triomphal de Monaco, on voit que ces dernières semaines ont fait vraiment du dégât chez lui, quoi. On a retrouvé le Leclerc de 2022, ouais. Et ce qui est pas très bon signe en termes de morale. Je pense quand même que ça va bien mieux qu'il y a 2 ans chez la Scuderia, mais effectivement, oui. Là, ils sont désormais isolés à la 4e place. Ils sont un petit peu devenus ce que Mercedes était en début de saison, c'est-à-dire l'outsider qui était un peu trop loin du top 3, mais qui était quand même bien solide en 4e place. Donc bon, ils sont pas complètement décrochés, mais c'est vrai que Sainz perdait des dixièmes à chaque tour pendant tout le Grand Prix. L'écart monte à 12 secondes avant la pluie, je crois, donc ils sont pas dans la lutte, ça c'est clair, parce que Sainz sur un week-end impeccable, hein, je crois pas qu'il puisse faire vraiment mieux que ce qu'il nous a proposé. Donc, Leclerc, sa course était foutue, de toute façon, tu l'as dit, après le mauvais choix stratégique, sinon il était dans le top 8, probablement tout le Grand Prix. Donc, c'est pas non plus tout est pas à jeter, mais ils sont décrochés, il faudra vite se reprendre. Maintenant, cette saison, on l'a vu, on gagnait 2 ou 3 dixièmes d'un week-end à l'autre pour vous faire gagner plusieurs places sur la grille. Donc à voir, mais à eux de retrouver le chemin quand même et de comprendre leur voiture à nouveau. On nous pose la question dans le chat de savoir si Newey boit plutôt des spritz ou des bières en ce moment. Alors on sait juste que le camping-car il doit être entre Nice et Gênes en ce moment. ça se rapproche doucement mais sûrement. Je sais qu'il a pris un avion depuis Nice pour rejoindre Silverstone, puisque Newey était à Silverstone ce week-end chez Red Bull. Cette fois, de retour avec son carnet rouge d'ailleurs, sur la grille d'ailleurs. Mmh. Ça faisait 2-3 Grands Prix où il assistait effectivement. Rouge, hein, le carnet. Rouge. Ouais, c'est ça, rouge. Il a tout été rouge. Pas en vert. Il n'y a pas eu de changement là-dessus, mais voilà, il était encore là pour faire un petit peu la vente un petit peu de la RB17 aux clients. Et puis il y a Goodwood aussi qui arrive la semaine prochaine, donc où il sera présent notamment en ambassadeur forcément de l'hypercar qui sera dévoilé enfin en public, mais en statique, je crois qu'il ne roulera pas. Non. Voilà, donc le temps de trouver un moteur autre que le Red Bull Power Transport doit mettre dedans. je plaisante, évidemment. Ouais, puis voilà, ben, départ de Cardillet, oui, on va l'évoquer du coup aussi. Bon, ça, voilà. c'était attendu. Pourquoi voilà, Ferrari en super forme, et pourtant on laisse partir Cardillet. Parce que ces rumeurs-là datent quand même d'il y a quelques mois, donc ça veut dire quand la Ferrari était en super forme. Donc, voilà, tout le monde se posait la question, mais effectivement, je pense que ça sent le remaniement pour l'arrivée de Newey. Et voilà, il se dit dans le paddock de Silverstone, mais on n'a pas de confirmation, donc je ne peux pas vous dire autre chose du fait que c'est une rumeur, que Newey n'aurait pas le droit, même s'il avait signé aujourd'hui, d'annoncer son futur avant le mois de septembre ou octobre. Voilà, par respect entre guillemets pour Red Bull et pas. Enfin, respect par rapport à ce qui a été négocié au moment de son départ, il ne pourrait pas annoncer sa destination avant le mois de septembre ou le mois d'octobre. Donc, ça veut donc dire que si on suit la logique des choses, effectivement, Newey irait plutôt chez Ferrari. Mais voilà, effectivement, comme il laisse traîner le suspense, peut-être qu'effectivement, il a déjà signé depuis un bout de temps et que derrière, bah, ça joue, ça s'amuse un petit peu sur les réseaux sociaux. En disant qu'il a besoin de vacances et tout, mais si ça se trouve, à mon avis, il a déjà bien décidé ce qu'il a envie de faire et qu'il n'a pas trop envie qu'on l'emmerde pour l'instant là-dessus. Et j'espère, voilà, effectivement, que Vasseur a réussi à signer quelqu'un comme Newey. Ça serait vraiment une super bonne nouvelle pour la Scuderia. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Attendons. Ouais, mais rien n'est fait. Hein, c'est... Alors, Newey chez Aston nous demande Yann, bah, vu que Cardillet va sûrement y aller, je pense pas qu'il va y avoir. Oui. Faut pas mettre trop de loup dans la bergerie, quoi. Moi, enfin, c'est vrai qu'après, le fait. Il y a Fallows en plus, qu'est-ce qui va que venir Fallows aussi, qui était quand même censé être le Messi venu de Red Bull pour sauver Aston, et finalement, c'est pas lui. Donc, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est on voit la difficulté de cette saison où les écarts sont super serrés, l'an prochain sera pareil. De maintenir un niveau comme le fait Verstappen ou comme le fait McLaren depuis le début de saison, si on met de côté les deux premières courses qui est un peu plus difficile, mais c'est vrai que là où c'est quasiment trajectoire inverse entre Ferrari et Mercedes et on peut imaginer. Alors moi, ce qui m'inquiète chez Ferrari, c'est le dernier point que je voulais soulever avec eux, c'est que ils ont l'air d'être perdus sur le développement. Ils disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas la solution pour savoir comment rapidement retrouver une voiture rapide et évoluer, et du coup on peut imaginer qu'ils vont encore perdre du temps sur les prochaines courses, et mine de rien, même si l'avance est pour l'instant bonne en termes de performance sur les équipes qui sont derrière, on a vu que Haas et Aston Martin n'étaient pas loin ce week-end, donc y a pas mal de... enfin, il n'y aura pas trop de temps à perdre, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que Newey a posé comme condition justement le retour de Fallows chez Ferrari et son adjoint chez Red Bull? Ah oui, mais c'est une super théorie. Hein. C'est franchement, je le vois pas venir. Bon, bah, très bien, mais maintenant tu deviens numéro 2. Surtout que Laurent Stroll, c'est un cas typique de quelqu'un que quand ça marche plus, tu dégages et préavis, je n'ai rien à faire. Quoi. Non, il a gardé le deuxième pilote Aston Martin pourtant. ouais, ok. Bon, il y a une exception qui confirme la règle. Voilà. Mais non, et puis en plus, pour finir la transition vers Aston Martin, tu as aussi Cowell qui arrivera à la place de Whitmarsh aussi. Donc, oui. Cowell, c'était 4 ans quand même qu'on l'avait pu en F1, ancien directeur moteur de Mercedes, qui vient effectivement pour reprendre les rênes de tout ce qui est organisation, technique, structuration, infrastructure et compagnie, à la place de Martin Whitmarsh, qui finalement on a très très peu vu. Il pouvait occuper un placard à Silverstone, mais à part ça... Non, moi, il était moins grand que celui de Brivio, quand même. Ouais, Brivio, c'était un placard de luxe, oui. Whitmarsh, on le voyait quand même un petit peu de temps dans Brivio. Lui, non, Brivio, il était payé à rien faire, comme nos fonctionnaires français. Oh. Alors, très très bonne transition vers Aston Martin, c'est pour ça qu'on va parler de Haas, puisque Nico Hülkenberg a terminé 6e. J'attends les réactions au chat, putain. D'abord, je pense qu'on peut applaudir Paul, bravo. Bravo, on s'en fait 6e place de suite. Alors, Nico Hülkenberg, ouais, qui fait encore une fois un week-end fou, il est vraiment l'assurance là aussi de Haas, vraiment avec des performances toujours très très bonnes. Magnussen fait 12e, après s'être qualifié loin, hein, puisque lui a été éliminé en Q1, et je pense que c'est un très bon résumé de ce qu'a fait Haas de cette saison, avec quand même des évolutions qui fonctionnent très bien, que Magnussen n'arrive pas à faire fonctionner, mais qui fonctionnent très très bien du côté de Hülkenberg. Bah, Paul, du coup. Bah ouais. parle-nous de ce week-end. Vas-y Nico. Bah écoute, je fais en français, pas en allemand, hein, si ça vous va. Notre public apprécie. Ouais. Non, bah écoute, c'est fou de se dire que Haas est en train de se battre pour peut-être devenir la cinquième force du plateau à la mi-saison. On avait déjà vu Haas commencer des F1 très fortes et puis perdre pied avec son développement. Là, c'est l'inverse. Ils ont commencé doucement et puis là, ils sont en train de progresser. Enfin, c'est assez dingue la trajectoire de cette équipe. Et bah, Hülkenberg, bah, quelle bonne pioche pour Audi, l'air de rien. Ils ont vraiment leur pilote leader pour l'avenir. Et parce qu'il fait chaque week-end, je trouve ça encore vraiment remarquable, quoi. Alors évidemment, il est face à Magnussen qui est vraiment en difficulté, donc ça amplifie encore ses performances. Mais il est qu'est-ce qu'il peut faire de mieux que ce qu'il fait ce week-end? Il termine derrière les top teams, c'est le meilleur des autres, quoi. Donc absolument aucun reproche à faire à Hülkenberg, c'est parfait encore une fois. Et Magnussen, est-ce qu'on attend vraiment encore beaucoup de lui cette année? Moi personnellement, non. Le voir 12e, c'est pas un drame, c'est son niveau, quoi. Mais loin de moi l'idée de défendre la saison de Magnussen, mais il faut préciser qu'il n'avait pas vraiment toutes les évolutions dont Hülkenberg disposait. Donc voilà, il fait une mauvaise saison, il ne fait pas une meilleure saison que Hülkenberg, ça c'est très clair, il est loin, ça c'est très clair. Mais si on veut être objectif, il n'avait pas les évolutions, toutes les évolutions que Hülkenberg. Cette facilité de parler de toi à la troisième personne, je trouve ça magnifique. C'est déjà à quel point j'ai pris le boulard. Hein. si en plus tu commences à dire que j'ai marqué plus de points que Perez, on te veut dans une Red Bull. Plaisir. Zergane. Alors, Zoran, ce qu'il dit, tu es en train de dire que Haas a des évolutions maintenant, mais oui, Haas amène des évolutions quasiment plusieurs fois. Et ce week-end, ils avaient un gros package, ils avaient des pontons entièrement revus, et effectivement, avec une fusée. Des pontons revus, il y avait des écopes aussi qui étaient revus, et une suspension, alors je ne sais plus si c'était écope avant, suspension arrière ou l'inverse. Plus d'autres choses qu'ils ne sont pas obligés de dire, puisque c'est les évolutions visibles que les équipes communiquent à la FIA en début de week-end. Mais le fait est qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions chez Haas cette année, parce qu'encore une fois, on a changé de directeur et qu'on a un directeur qui privilégie le travail de fond plutôt que les punchlines et une grosse évolution par an. Donc là-dessus, c'est quand même vraiment, on voit l'effet Komatsu, la manière dont Haas fonctionne cette année. Et on peut peut-être évoquer maintenant le fait que Oli Berman a déjà été confirmé, ça c'est sûr, parce que ça a été fait la semaine avant le Grand Prix. Pour l'an prochain, donc ça c'était la rumeur qu'on attendait quand même plutôt de manière quasiment sûre. Mais a priori, il y a des rumeurs comme quoi Esteban Ocon aurait signé aussi dans l'équipe. Et c'est vrai qu'on peut comprendre le choix d'aller chez Haas cette année par rapport aux autres années, parce que quand même, je trouve que l'équipe a une apparence un peu plus... Il a tweeté ce soir « New week, new opportunities ». Alors qu'il n'y a pas du tout de Grand Prix quoi que ce soit cette semaine. Non. Mais Alpine lui a répondu. Alors, est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que Alpine se lâche complètement et en a rien à foutre? Je ne sais pas, mais effectivement, Esteban Ocon bien pressenti pour être le... Alors là, en plus, vu le niveau de forme de Haas, je veux dire, pour être conforté à court terme sur un bon choix... Ouais. Ça sera pas une équipe championne du monde, soyons clairs. Non, mais ça jouera les points au moins. Ça jouera des points, des gros points, et peut-être effectivement, si la convergence continue comme ça en 2025, ça peut faire des choses vraiment très, très sympas. Hein. Mm. Donc, quand on connaît l'état de forme d'Ocon, qui est pas le dernier du plateau, soyons clairs, la Haas peut aussi très bien voler avec lui l'an prochain. Donc, ça peut faire une très très belle saison. Après, 2026, ça reste effectivement un pari. Mais voilà, non, c'est pas forcément le mauvais choix. Hein. Même si Carlos Sainz ne va pas chez Audi, on a rappelé, on l'a dit je ne sais combien de fois, Audi c'est un pari extrêmement risqué pour l'instant. Ouais, et c'est pour ça qu'ils ont qu'un pilote de signer pour l'instant et que les autres boudent un peu, de toute façon. Et même Hülkenberg, ça fait un peu mal de le voir qu'il va aller chez Sauber l'an prochain et qu'il aura sûrement la pire voiture du plateau. Alors que clairement, on voit que son retour est quand même assez impressionnant et qu'il est. Il est très régulièrement dans les meilleurs. Si la Steck marque des points réguliers l'an prochain, on pourra vraiment dire que les deux pilotes actuels, c'était vraiment pas au niveau quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Mais bon. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire l'an prochain, s'ils vont juste évoluer la voiture. Ou... Je pense qu'ils feront comme tout le monde, ils font pas un grand changement. Mais du coup, quand on voit le niveau de Steck, qui apparemment n'arrive pas à amener les évolutions, on y reviendra après, on peut s'inquiéter pour Hülkenberg. En tout cas, voilà, donc Haas, c'est toujours, on voit que c'est comme depuis le début de saison, c'est toujours les bienfaits du départ de Steiner se confirment Grand Prix après Grand Prix quand même. Mais surtout qu'ils reviennent à 4 points de RBF1. Hein, ouais. Donc, là, ils sont clairement, ils peuvent clairement devenir. Puis Alpine est décroché à 18 points, je crois, chose comme ça, donc c'est assez rude. Hein. Ouais, l'écart s'est vite creusé. Ouais, là, c'est sûr que c'est 16 points. qu'amène Hülkenberg en deux courses, oui, ça fait dans un, comment dire, dans un championnat aussi serré avec des équipes qui ont marqué aussi peu de points, ça fait vite la différence. Alors on a perdu Franck qui va sûrement revenir d'ici un petit moment, mais on continue. Oui. Après, Magnussen a quand même marqué 4 points, je crois, en Autriche, hein, donc, notamment. Ah oui, c'est vrai, oui, très juste. Au sprint où il faisait 9e. Donc, encore une fois, Magnussen, voilà, il n'y avait pas les évos, il ne fait pas une bonne saison, c'est sûr, mais il n'est pas largué comme peut l'être un Pérez, etc. Non, ça c'est certain. On passe à Aston Martin. Alors là, c'est pareil, plutôt bon résultat global hein, par rapport aux autres courses précédentes. Okay. Franck est un peu snob, hein. Il commande que le top 5. Et puis... ah, le reste, au bout d'un moment. Hein. Non, très bien. Très bien de la part d'Aston Martin qui fait un bon week-end à domicile. Puisque, alors, eux, pour le coup, c'est vraiment l'équipe la plus à domicile, puisque leur usine est littéralement à côté du circuit, hein, un peu chose près en face de la route. Stroll termine 7e, Alonso termine 8e. Alors, de nouveau, on a un Lance Stroll qui bat Alonso samedi et dimanche. Donc, ça, c'est quand même la grosse nouvelle des dernières courses, c'est que Stroll est revenu au niveau d'Alonso de manière assez durable. Moi, à titre personnel, je déplore un peu la communication dans l'équipe parce que c'est un enfer pour décrocher apparemment plus de 3 mots de la part d'Alonso et de Stroll maintenant. Je sais pas s'ils ont donné des consignes à Alonso, mais vraiment, c'est. Il parle comme Stroll, en fait, c'est-à-dire qu'il ne parle plus. Mais le fait est que, malgré ses difficultés, l'équipe a quand même été clairement une bonne force dans du top 10, en tout cas ce week-end, à Silverstone. Oui, c'est la bonne surprise finalement, parce qu'il n'était pas du tout ces dernières semaines. C'était, ça ne jouait pas les points, ça ne passait pas la Q2. Donc là, double Q3, double entrée dans les points. Bon, merci à Pérez et à Leclerc d'avoir raté leur qualif. Puis bon, c'était un week-end compliqué aussi d'Alpine, donc si toutes les forces avaient été là, est-ce qu'ils auraient été à ce niveau, c'est toujours difficile à dire. Mais le fait est que c'est de leur meilleur résultat depuis plusieurs week-ends. Voilà, pas de quoi sauter au plafond, hein. Ils sont quand même battus par la Haas, même si bon, ils étaient a priori plus rapides que la Haas tout le Grand Prix. Ils n'ont juste pas réussi à passer Hülkenberg. Et puis, bah, écoute, concernant, j'étais pas là dans les dernières courses, donc pour réagir sur la forme actuelle d'Alonso, je dirais que Stroll est à son meilleur niveau depuis longtemps, sans être étincelant, il est régulier, il est bon tous les week-ends en ce moment, c'est à souligner. Et Alonso, en fait, je pense, nous a tellement habitués à surperformer ces derniers temps, et notamment l'année dernière, bien sûr, où c'était la foire. Bah, là, il est au niveau de sa voiture, il a visiblement du mal à en tirer quoi que ce soit de plus que Stroll. Donc, je ne dirais pas que je suis encore inquiet pour Alonso, mais c'est vrai que ça fait 5 Grands Prix maintenant. Bon, alors, il se qualifie devant au Canada, il est quand même 5 dixièmes au Canada. Il a 2 dixièmes de la pole, Alonso, et puis en Espagne, il est devant. Mais c'est vrai que là, en Autriche, Stroll était nettement devant, et là, Silverstone, il n'y a rien à dire non plus. Donc voilà, c'est du Alonso moyen et du bon Stroll, je dirais. Et du coup, bah, ça donne quand même un duo très proche. Hein. C'est pas comme si Stroll mettait Alonso ce qu'Alonso lui mettait l'année dernière. Mais c'est vrai que ça surprend. Ça me surprend le premier que cette série, entre guillemets, de voir Stroll devant Alonso se poursuit. Il a le droit d'être bon aussi, mais Alonso clairement n'est pas en ce moment ce qu'il était encore en début de saison. Hein. Il n'y avait pas de podium, donc c'est vrai que la saison d'Aston Martin, elle devient presque anecdotique, mais quand Alonso fait 5e à Jeddah, par exemple, c'est une énorme surperformance à l'image de ce qu'il faisait l'année dernière encore. Donc je ne pense pas qu'Alonso, du jour au lendemain, soit devenu mauvais. C'est juste que vraisemblablement, l'Aston correspond mieux à Stroll en ce moment. Est-ce qu'Alonso, comme tu dis, fait la gueule et ça se ressent dans les médias? Est-ce que du coup, dans l'équipe, il y a une ambiance qui commence à devenir morose? Puisque bon, on le sait maintenant, il a prolongé son contrat pour au moins 2 saisons de plus. Est-ce qu'il en est au point où bon, bah, il se dit, ce qu'on a évoqué il y a quelques semaines, voilà, qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il a prolongé trop vite? Est-ce que, en plus, Wolff a visiblement confirmé qu'il avait effectivement proposé à Alonso et qu'Alonso avait dit qu'il n'était pas intéressé par le baquet. Bon, est-ce que maintenant, il se dit, bon, bah, j'aurais peut-être dû aller chez Mercedes finalement? Décidément, il ne vivra qu'avec des regrets. En début de saison, il n'y avait pas forcément un avantage pour l'une ou l'autre des équipes, mais c'est vrai que c'est pas, en 5 ou 6 Grands Prix plus tard, la donne a bien changé. Donc, voilà, je dirais ça, voilà, un duo qui est plus homogène qu'il ne l'était avant parce que Alonso est à un niveau moyen et que Stroll est correct. Voilà, je dirais ça. Et puis bah, Aston, l'avantage d'Aston, c'est qu'avec un week-end comme ça, ils renforcent leur 5e place au championnat parce que je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent essayer de plus maintenant. La concurrence derrière se prend des points, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans la course au titre. On a Verstappen qui profite des autres qui se prennent des points. Bah, Aston profite un peu de ça aussi. Un coup, c'est Alpine, un coup, c'est RBF1, un coup, c'est As qui va, entre guillemets, leur menacer la 5e place. Donc, finalement, personne ne marque de gros points derrière eux. Et donc, sur cette saison qui va être malheureusement un peu oubliée, parce que je ne les vois pas en deuxième partie de saison, tout d'un coup redevenir ce qu'ils étaient en 2023, ça me paraît un peu utopique. Bah, il va falloir vite comprendre et se remettre à l'endroit pour l'année prochaine. Et puis, bah, déjà, penser un petit peu à 2026, parce que ils ont vraisemblablement vraiment du mal à, même si ce week-end c'était un peu mieux, ils ont quand même du mal à, voilà, à rester proche du top 4. Ils sont complètement décrochés maintenant et ça paraît difficile à inverser. D'accord. Je suis assez d'accord avec tout ça et c'est vrai que le gros problème aussi, ouais, c'est cette incapacité à faire évoluer une voiture depuis un paquet d'années. Hormis les grosses évolutions fonctionnelles en 2022, depuis 2023, c'est toujours moins bon et je pense que c'est ce que Fallows va payer à mon avis. Et c'est aussi pour ça qu'il recrute quelqu'un d'autre parce que clairement, ça ne veut pas fonctionner. Est-ce que c'est toujours moins bon, c'est les autres hein, qui avaient très mal commencé aussi l'an dernier notamment. Donc voilà, c'est aussi les autres qui se sont repris d'une certaine manière. Oui, c'est vrai qu'ils avaient pris un gros avantage en comprenant plus rapidement la voiture, mais derrière, il faut être à la hauteur de l'exploitation qu'on fait la voiture, et eux ont un peu plus de mal. Toi, Franck, du coup, tu penses que c'est, au niveau du duel Alonso-Stroll, tu penses que c'est plutôt Alonso qui est un peu en retrait en ce moment, ou Stroll qui malgré tout, à force de travail, retrouve son niveau le plus efficace, on va dire. Dur à dire quand on n'est pas dans l'équipe. Hein. Un peu des deux, on va dire, peut-être, je pense. Après, Stroll n'a jamais été non plus très très loin d'Alonso dans ses bons jours aussi. Donc là, s'il est effectivement dans une meilleure forme, que la voiture lui correspond un peu mieux, on sait que les évolutions, elles n'ont pas été jugées extrêmement performantes par Alonso et par l'équipe, mais peut-être que finalement, ça aide quand même Stroll dans son pilotage. C'est pas impossible aussi. C'est difficile parce qu'ils n'en parlent pas en fait, ils n'en parlent pas ouvertement de cette différence. Pour eux, en fait, c'est même un non-sujet en fait, la différence entre Alonso et Stroll ou Stroll et Alonso, c'est quelque chose qu'ils n'abordent pas en public, c'est quelque chose qui n'est même pas évoqué en conférence de presse où les questions ne sont pas posées. Alors peut-être qu'effectivement, si ça continue comme ça, il faudra peut-être qu'on aille creuser un peu plus de ce côté-là, mais comme c'est pour eux un non-sujet, on n'a pas de réponse en fait à cette question. Donc. Je pense qu'un Alonso qui serait un peu plus motivé par des évolutions très performantes, on le verrait sortir le dernier dixième ou les deux derniers dixièmes qu'on sait capable de sortir quand il faut pour aller exploser une bonne performance. Après, ils ont fait quand même un super grand prix tous les deux, je trouve. Donc voilà, c'était pas non plus meilleur en tout cas que prévu avec les évolutions telles que la voiture est actuellement. Donc à voir quand est-ce qu'arrivent les nouvelles pièces. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé non plus. Donc voilà, c'est un retour dans le top 5, on va dire, des équipes top 5, top 6 avec As, je sais pas trop, mais bon, c'est à peu près à ce niveau-là avec deux pilotes qui pour une fois étaient assez homogènes. Mais ça fait 2-3 grands prix effectivement qui se suivent bien. Donc espérons pour Stroll en tout cas. Que ça puisse continuer comme ça. Et si, oui. c'est vraiment son meilleur niveau, qu'Alonso est à son meilleur niveau aussi, ben enfin, on va dire, ça y est, Aston Martin a enfin peut-être trouvé son duo qui doit fonctionner correctement. Quoi. Mais, moi, je reste persuadé que Stroll est devenu constant, enfin. En tout cas, il l'est depuis 5 ou 6 Grands Prix. Et je reste aussi convaincu qu'Alonso, quand même, n'est pas à l'aise dans cette voiture. On voit faire des erreurs qui ne sont pas normalement. Oui, c'est vrai aussi. Il ne fait pas souvent. Et on a eu encore une fois tellement l'habitude qu'il surperforme. C'est ça, à la rigueur, qui m'inquiète le plus, c'est que l'Aston n'avance pas. Bon, on le voit ces derniers temps qu'elle n'est pas rapide, mais Alonso, normalement, tu lui donnes une voiture et à partir du moment où elle a un volant ou quatre roues, il va t'en sortir le meilleur sur un tour. C'est normalement ce qu'il fait. Manifestement, en ce moment, c'est pas le cas. Et Stroll est bon et pas génial, comme je le disais. Et de voir qu'Alonso derrière lui, c'est pas top. C'est vrai que c'est pour moi, en tant que fan, c'est pas génial. Mais je ne dirais pas encore que ça m'inquiète. Je dirais simplement que. Il faut retrouver le chemin pour qu'au moins lui retrouve la confiance dans sa voiture. Tu parlais d'un manque de motivation, Franck, peut-être que ça joue aussi, effectivement, depuis un an et demi, de voir que rien ne progresse, en fait, et que tout régresse en permanence depuis un an et demi. Bon, bah, y a forcément un moment où ça le fait forcément douter, d'une, de sa décision d'avoir prolongé, comme je le disais, et deux, bah, de se dire, est-ce que vraiment il va pouvoir renouer un jour avec le succès avec cette équipe, parce que, OK, il y a un nouveau règlement 2026 et il sera là, mais vu la trajectoire de l'équipe depuis un an et demi, il n'y a pas forcément de quoi non plus être super enthousiaste à l'été 2026 pour l'instant chez Aston Martin. Après, Alonso n'est pas à l'abri d'une petite surprise de casser son contrat avant l'heure, et s'il y a une petite place chez Red Bull qui se libère parce que Verstappen n'est plus là, je ne serais pas étonné non plus que des choses qui puissent se jouer. C'est pas impossible. Et ce ne serait pas la première fois qu'il renierait complètement sa communication. C'est ce que je suis dit. C'est ça. Pour lui prolonger, pour les prolonger à long terme chez Aston, c'était aussi une façon de soigner son image en disant, bah, vous voyez, vous m'avez traité de pilote instable, destructeur d'équipe, bah, vous voyez, je m'engage sur le long terme avec une équipe qui part de peu et qui va arriver à beaucoup. C'était, là, c'était aussi ça un peu l'image qu'ils donnent. S'il casse son contrat pour aller chez Red Bull, bah oui, son image en prendra un coup. Alors, si ça lui permet de gagner des courses, on lui pardonnera et on le comprendra évidemment. Mais c'est encore une fois la communication, on ne manquera pas de lui rappeler ce qu'il avait dit il y a quelques semaines encore. Oh bah, un petit moteur Red Bull Ford en mode JP3 engine, ça peut être sympa. Ah, mais c'est sûr que c'est. Alonso, c'est un peu le problème. Hein. C'est quand tout va bien, c'est le meilleur team player. Mais quand ça commence à s'enrayer, il peut être redoutable. Ça peut être le pire poison d'une équipe. Après, on n'en est pas là chez Aston. Il est non, on n'est pas là du tout. Il est très. Tu sens qu'il se retire un peu. Enfin, c'est, oui. Il n'est pas encore à péter les plombs. Hein. Il n'est pas du tout à ce qu'il faisait chez Alpine. De manière clairement ironique dans la presse. Et puis là aussi, il a un contrat de 2 ans chez Alpine. Il savait qu'il partait en fin de saison aussi. Et puis là, il n'a pas le droit de critiquer son équipier surtout. En plus. Bah, force de dire qu'il a son niveau et qu'il a jamais eu un coéquipier. Non, voilà. Il a peut-être raison. Ça a redonné confiance à Stroll qui maintenant est à son niveau en fait. Si ça se trouve. Hein. Il a juste coaché. Non mais c'est vrai que c'est assez perturbant, mais on sent quand même, moi, il y a vraiment ce switch qui s'opère course après course. On sent qu'Alonso parle de moins en moins et en serrant un peu plus les dents qu'au début de saison. Il y a vraiment ce côté où les interviews, on sent que ça lui pèse de devoir pas dire grand chose, et je pense qu'il rumine un peu les victoires qu'il a pas réussi à choper l'an dernier et qui du coup maintenant semble totalement hors de portée en fait, alors que l'an dernier il fait une ou deux performances qui finalement sans Verstappen sont des victoires. Donc je pense qu'il y a un petit peu de frustration de nouveau chez Alonso. Mais il avait jamais vu. Quand même, bravo à Stroll. Hein, qui, on en a dit beaucoup de mal aussi et on avait des raisons pour le dire. Mais là, on en dit du bien et on a aussi des raisons pour le dire. Donc voilà, c'est un beau redressement, une belle séquence. Ah bah, que même Alonso. Alors, Alex, pour une fois, j'ai envie de dire Stroll mérite sa prolongation. Là, en ce moment, franchement, c'est la première fois. Il la mérite plus que d'autres, hein, sa prolongation. Ah bah oui. Et c'est puis clairement. C'est vrai que même un Alonso à 85-90%, faut quand même y aller. Donc là-dessus, bravo à lui. Et ça fait du bien, hein, parce qu'on sait qu'on a souvent été critique de Stroll parce qu'on est aussi conscient de son potentiel. Et on sait que ça peut être le pilote qu'il était en 2017, 2020. Voilà, toutes les 2-3 ans, il y a un Stroll qui ressort et qui est le vrai Stroll qu'on voudrait voir tout le temps, qui est celui qui est performant et régulier. Mais ça dure jamais une saison complète, et après des fois il s'effondre et puis ça repart n'importe comment. Mais c'est vrai qu'on voilà, c'est un pilote qui a des podiums, qui a des pôles, et on peut pas on sait que c'est pas un pilote nul en fait, encore une fois, comme on peut le dire des fois de la part de gens. Voilà, c'est il y a mieux à faire. Maintenant c'est à lui de prouver aussi sur le long terme qu'il en est capable, et ça c'est pas forcément le plus simple. Donc voilà en tout cas pour Aston, qui a fait plutôt une jolie performance en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait attendre, et je pense que c'est très bon aussi pour le moral de l'équipe à domicile. Et en parlant d'équipe qui a bien fonctionné à domicile, Williams aussi a fait un très bon week-end. Alors ça a été un peu plus discret parce qu'ils sont en retrait, mais Albon termine 9e, Sargeant 11e, Albon fait une Q3, Sargeant va en Q2 et fait sa meilleure qualif avec une 12e place sur la grille. Globalement c'est plutôt alors c'est vrai qu'ils ont été avantagés par les températures qui n'étaient pas très hautes, mais c'est globalement très positif pour Williams à domicile. Alors, si on commence par Sargeant, il a fait son meilleur week-end de la saison, hein, et il fait une Q2, ouais. Il finit 11e, et ce qui fait qu'il n'est plus dernier au championnat pilote, puisque c'est Bottas qui est désormais 21e. Voilà. Mais donc voilà, c'est trop peu, trop tard évidemment pour Sargeant qui est condamné, mais on peut noter voilà, le son meilleur week-end de l'année. C'est vrai. Et pour Albon, petit miracle quand même, qu'il n'y ait pas plus de casse ou une crevaison au premier tour, parce qu'il y a contact avec Alonso et il y a un contact avec un autre pilote aussi. Il se fait bolosser en piste. Et puis il fait quand même, voilà, Albon aussi une Q3, hein, ça reste quand même une performance majuscule dans une Williams. Ouais, quand le coup qu'il arrive, c'est très très bon. Et, Mais un mauvais départ, hein, donc il était mal parti, il a perdu du temps, premier arrêt au stand, c'était pas extra, donc c'était pas fait du tout, hein. Et puis il a dépassé Tsunoda dans les derniers tours aussi, donc voilà, il est allé les chercher, c'est le point. Albon, donc grosse perf. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon dans les courses difficiles, Albon. À chaque fois qu'il y a quelque chose à aller chercher, il est quand même tout le temps là. Si ça marche pas, c'est des fois parce que la voiture peut pas. Mais quand sa voiture peut chercher un top 10 grâce à des conditions de piste un peu changeantes, comme ça, il est toujours là. Et comme tu l'as dit, faut aussi souligner que Williams était performant puisque Sargeant était à la porte des points et au mérite. Donc vraiment rien à dire. Ouais. Charles Williams double son nombre de points en une course. Ouais, et sur une piste, effectivement, comme tu dis, très délicate, Sargent n'a pas fait d'erreur. C'était malheureusement un spécialiste pour lui. Je voulais glisser avant la fin de l'émission et je vais en profiter maintenant puisque tu abordes le sujet. Mais globalement, quel niveau du peloton? Parce qu'on a eu une course très compliquée avec des averses, une piste verte, une piste grasse, une piste humide, une piste sèche. Personne ne fait de conneries. Il y a 2-3 conneries en qualif parce que les averses sont un peu plus violentes. Oui, par Perez, oui, effectivement. Non, mais même Verstappen aussi, parce que comme quoi. Mais Verstappen, il la sauve, lui. Ouais, c'est ça. mais globalement, il n'y a pas eu de carton, il n'y a pas eu de. Enfin, c'est moi je trouve safety car, pas drapeau jaune, ouais. Ouais, encore une fois, dans une course aussi compliquée qu'il n'y ait pas de safety car, c'est vraiment super impressionnant. Et voilà, c'est pour ça, quand je vois des fois des gens qui disent que certains pilotes sont nuls ou quoi, il faut remettre les choses dans leur contexte. On a sûrement, c'est certain, on a le peloton de Formule 1 le plus talentueux de l'histoire, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sera sûrement encore mieux l'an prochain et au fil des années, parce qu'on va continuer à progresser avec des pilotes de plus en plus professionnalisés au fil des ans. Le fait est que là, on arrive à un niveau, et on en parlait déjà à Monaco l'an dernier, et puis à Monaco cette année, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, et c'est super impressionnant. Encore une fois, c'est des pilotes de Formule 1, donc ils sont dans la catégorie reine, et ils sont au niveau. L'effet indirect et des budgets de cap, effectivement, qui permet aux équipes de ne plus aller chercher des pilotes payants. Hein. Ouais, exactement, et ça, c'est vrai qu'on avait déjà des bons progrès qui avaient été faits là-dessus, et là, on voit que maintenant, il n'y a plus de pilotes payants à part Perez, globalement sur la grille. Et c'est vrai que c'est très très bon, quoi. Donc, j'aime bien faire ce rappel-là, et surtout dans des week-ends comme ça où, encore une fois, la course a été très très compliquée. Voilà pour Williams, je pense. Ils avaient une très belle livrée aussi. Il y avait le nom des 1005 employés, je crois, ont ils dit. 1005, ouais. Dans un Union Jack dessiné de chaque côté du capot moteur. C'était plutôt réussi. C'était joli, et on en profite pour dire que la livrée de Red Bull, on s'en fout, hein, clairement. Parce que... Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'était totalement anecdotique. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était un camo hommage, ouais. Mais en quoi ça rend hommage à l'équipe, en fait? C'est les camouflages pendant les essais. C'était un hommage au camouflage de 2018. Oui, c'est ça. 2017. Ouais. C'est aux hommages au petit camouflage qui mettait de temps en temps. C'est raté quand même. Ouais, c'était, moi, ça a été clairement vu et sans tape. Hein, quand je l'ai vu, c'était OK, on passe à autre chose. C'était vraiment pas bon. C'est vrai. Bon, c'était rouge, tu aurais dû apprécier quand même. Non, même pas. Non, c'était anecdotique, quoi. C'est ça le problème. L'an dernier, c'était déjà pas très visible, mais ils avaient fait des efforts, et même à Las Vegas, c'était très visible et tout ça. Et là c'était juste autour du... Sur les pontons, c'était pas... C'est vrai qu'on n'y a pas trop fait attention à la livrée de la Red Bull spécifique. Donc bravo à Williams pour avoir fait une vraie belle livrée spéciale. On passe à RBF1, alors qui est la huitième équipe dont on va parler, mais qui a quand même marqué un point. 8 équipes dans les points. C'était pas arrivé sur une course d'un dimanche depuis le Grand Prix des États-Unis 2023. C'est pas non plus très vieux, mais c'est quand même notable que c'est pas tout le temps non plus qu'on a autant d'équipes dans les points. Surtout avec assez peu d'abandon. Il y a juste eu beaucoup de stratégies diverses qui ont fait qu'il y a pas mal de pilotes qui ont réussi à arriver dans le top 10 grâce à des problèmes pour d'autres. Et moi, ce que je voulais souligner, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que finalement, malgré ce point marqué, c'était pas un super week-end de RBF1 au niveau performance pure par rapport aux autres équipes. Je sais pas qui veut prendre la parole, mais Non, mais c'est qui a suivi cette équipe ce week-end qui se dénonce. Ah bah je me risque à parler alors. Non mais c'est marrant comme leur trajectoire aussi a vraiment changé depuis 3 courses. Hein. Ils semblaient être devenus l'équipe favorite pour jouer la 5e place. En tout cas, c'était les 5e plus rapides sur pas mal de courses. Et puis ils sont un peu retrouvés au fond de grille. Alors là, c'est mieux, c'est vrai qu'il y a un point, mais tu l'as dit, il y a 8 équipes qui marquent des points, donc c'est pas non plus c'est extraordinaire, sachant que tu profites des problèmes mécaniques pour certains, du fait d'avoir chaussé les intermédiaires beaucoup trop tôt chez d'autres. Donc à la régulière, je pense que ça vaut pas du tout un top 10, RBF1 à Silverstone. Mais voilà, ils sont là pour récolter le dernier point, encore une fois, dans une course difficile, donc il faut pas leur enlever. Mais en termes de performance, ils sont quand même un peu décrochés, quoi. C'est une équipe qui, encore une fois, visiblement, fait partie de celles qui ont un petit peu plus de mal à comprendre leur développement, ou en tout cas à être constant d'une course à l'autre. Là, ça fait quand même 3 courses que c'est très compliqué, et qui sont au mieux 7 ou 8e force du plateau, alors qu'à un moment donné, c'était 5e. Donc, c'était très très sombre à Barcelone, hein, quand on examine les évolutions, je crois, où c'était la catastrophe. Là, ils ont quand même un petit peu remonté la pente. Mais voilà, c'était 2-1. Donc là, As est à 4 points de RBF, hein, donc ça chauffe. Et ce qui est fou, c'est que C'est qu'au final, avant les évolutions qui ont posé problème, ils étaient vraiment beaucoup mieux que ça. Ils jouaient les points facilement et tout. Et eux aussi, on voit qu'une mauvaise évolution peut vite renverser la donne dans de mauvaises proportions, on va dire. Donc, ouais, bon, ils étaient devant Aston, il y a 3 Grands Prix ou 4 Grands Prix. 4 Grands Prix, ouais, c'est ça. Donc tout va vraiment très vite quoi, dans la formule actuelle. Du coup, c'est marrant de se dire que là, on va avoir la pause estivale, mais probablement que d'ici Monza ou Zandvoort, on aura un tableau totalement différent, que ce soit devant ou dans le peloton. Il y aura des doublés stakes, ça va être quelque chose. C'est ça. J'allais dire, Alex, c'est le seul risque que je ne prendrai pas, mais pour le reste, tout est ouvert. On aura Perez sur le podium et Verstappen éliminé en Q1. On sera en train de dire, bon, c'est trop tard, Joe ne peut pas revenir et finir champion. Mais... Que Dieu me préserve. Donc voilà, en tout cas, ouais, après, bah, Tsunoda un petit peu mieux que Ricciardo, mais c'était pas... dans les deux cas, c'était compliqué comme week-end et c'était un peu. Il n'y a pas eu de vraiment mauvaise. Les deux se tenaient à peu près au niveau. D'ailleurs, c'est rassurant pour Ricciardo, du coup, parce que même si lui marque pas, lui ce qui suit un petit peu, c'est quand même sa différence comptable ou l'avance qu'il peut prendre sur Tsunoda pour effectivement, bah là, il joue gros, hein, sur encore deux courses, et puis après, ça va trancher. Hein. Cet été chez Red Bull, je pense que ça va bien finir sur la plage. Peut-être même avant de partir en vacances. Généralement, c'est des décisions qui prennent assez vite, hein, parce que faut pas oublier que. Si Marco dit tel pilote sera dans la voiture après la trêve estivale, vous pouvez être sûr que ça va bouger du côté. C'est ce que j'allais dire, parce que Gasly, ils lui disent oui, t'inquiète pas, tu seras là en Belgique. Et puis 4 jours plus tard, il annonce que c'est fini. Marco, il a déjà condamné Ricciardo il y a pas très longtemps au profit de Lawson. Donc, oui. À mon avis, le problème, c'est que ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire Lawson, Tsunoda, et du coup, qui c'est qui irait Voilà, donc Lawson Hadjar directement, on vire les deux. Hadjar, ouais. Lawson Hadjar qui a pris la tête du championnat F2. Ouais, Hadjar, il est fort en ce moment. Non, mais est-ce que tu pourrais imaginer un Ricciardo condamné, un Perez condamné, c'est-à-dire qu'on ferait débuter Hadjar dès le Grand Prix d'Italie, dès le Grand Prix de Zandvoort, Pays-Bas. On change les deux pilotes d'un coup. Et Ricciardo, au revoir. Je pense qu'il sera pas. Je pense que Ricciardo, il va faire l'intérim en fin de saison chez Red Bull, dans tous les cas. Parce qu'ils n'osent pas mettre Tsunoda et Lawson, ça me paraît vraiment. S'ils mettent Lawson, c'est qu'ils n'ont rien compris à leur histoire. Ils n'ont rien compris. Hein. Ils ont rien compris à leur histoire et vraiment. Ouais, bah, tout c'est Red Bull en ce moment, ils ne comprennent pas grand chose à leur histoire. Ah ouais, mais vraiment, pour moi, s'ils mettent Lawson, ça veut dire que Horner et Marco sont incompétents, mais littéralement. Non, mais je parle de Lawson chez RBF1, je veux dire. Ah oui. Non, je parle chez Red Bull. Non, c'est-à-dire que Tsunoda va chez Red Bull, chose logique. Et que du coup, et si Ricciardo est vraiment condamné par Marco, ça veut dire qu'on faut faire un peu de Lawson. Donc est-ce qu'on pourrait faire des Hadjar avant la fin de sa saison de F2? Verstappen va chez RBF1 dans leur logique. Et gagne le titre quand même, ce serait beau. La Formule 2, la Formule 2 entre début septembre et la fin de saison, il n'y a que deux meetings. Hein, donc, oui, Hadjar peut faire les deux. Hein, d'ailleurs, il peut rouler en F2 et en F1 en même temps. Et au pire des cas, même s'il se fait remplacer par exemple par Ricardo, qui a priori accepte tout, sur les deux week-ends où il est de la F2, ça veut Ricardo dire... F2 Non, chez RBF1 à la place d'Hadjar. Non, mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il pourrait faire 8 Grands Prix sur les 10, et puis Ricardo fait les deux qui restent en disant, bon, bah, ok, je le fais, quoi. Donc, après, oui, Ricardo, s'il va tourner un F2, pourquoi pas, il a jamais gagné, il a le droit, hein, techniquement. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est... Comme Robert Améry. Hein? Comme Robert Améry. Ouais, c'est ça. Alors que Améry, c'est le Benjamin Button du sport automobile, il a fait F1, F3, ouais, c'est ça. Il les a fait plusieurs fois, lui, il fait des escaliers. Alors que par exemple, Fabio Laimer ne peut plus retourner en F2 puisqu'il a été champion, même si tout le monde l'a oublié. D'ailleurs, oublié que Fabio Laimer existe. Fabio qui C'est ça. Voilà, en tout cas, bon, ça va être. Je vois Pérez chez RBF1. Non, ça, Pérez, il dégage, lui, c'est aller-retour. Enfin, c'est aller sans retour. Mexique direct. C'est ça, retraite et. C'est ça, va t'occuper de tes gamins, ta femme. Et on le reverra à Mexico dans les tribunes. invité chez Aston Martin. Mais sur son ancienne équipe. Bon après voilà, l'équipe suivante, là on passe directement de la 10e à la 15e place avec Bottas 15e et Joe 18e pour Stake F1. Alors j'ai été un petit peu méchant, pour dévoiler les coulisses de l'émission, on fait un briefing, un petit bout de briefing chaque semaine avant l'émission pour savoir de quoi on va parler, histoire de pas d'avoir un fil conducteur quand même. J'ai marqué Stake F1 reviendra en F1 dans 2 ans. J'ai pas grand chose à dire sur eux, genre je blâme pas les pilotes, je blâme pas grand monde, mais ça va pas du tout et on en attend rien en fait. J'ai deux choses à dire. Alors, comme d'habitude, dans les interviews d'après-course, Bottas a demandé des pièces à son équipe. C'est vraiment un running gag. Hein. Il y avait ça, Magnussen qui se plaît du trafic en qualif. Et là, c'est vraiment à la fin de chaque séance, Bottas dit, il nous faut des pièces pour avancer. Donc, c'est vraiment un running gag. Donc, apparemment, bah, c'est plus des pièces, c'est des billets qu'il faut là, chez Steak parce que ça ne va pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est aussi l'interview d'après-course de Joe, hein, parce que si vous n'êtes pas jeté dessus, ce qui serait assez peu compréhensible, mais Joe a dit, en fait, la stratégie de Joe aurait pu faire gagner Norris. Dans la mesure où Joe est parti en tendre, il a dit au bout de 10 tours, les tendres étaient infaisables et ils étaient morts chez moi. Alors bien sûr, il y avait plein de carburant et la Steak n'a pas les appuis de McLaren, mais peut-être que justement, si McLaren s'était penché encore davantage sur les données du début de course, ils auraient vu que les tendres, ça ne tenait pas plus de 10 tours, et certainement pas en attaquant comme Norris devait le faire en fin de l'épreuve. Donc je pense que voilà, Joe aurait pu donner les clés de la victoire à Norris. Mais de toute façon, McLaren avait décidé de ne pas écouter grand monde ce week-end, de ne pas regarder ce qui se passait. Après, c'est difficile à dire des choses dessus parce que eux-mêmes ne savent pas quoi écrire sur leur propre équipe, puisque 5 heures après l'arrivée de la course, ils n'avaient toujours pas envoyé leur communiqué. Tout le monde était déjà parti de Silverstone, à mon avis, et eux, on attendait encore leur communiqué. Donc... Pour connaître, en plus, c'est bizarre parce que pour connaître pas mal le responsable presse de Steak, parce que c'est un mec avec qui on a eu beaucoup d'interviews, moi je l'ai eu très souvent pour des confirmations et tout ça, quelqu'un de très gentil, mais il est souvent très prolifique. Donc là, je pense qu'ils sont vraiment un petit peu au fond du gouffre. Parce que chaque week-end, ils racontent la même chose, en fait, qu'ils n'ont pas d'évolution, mais que ça viendra et tout ça. Et puis les pilotes sont pas, disent toujours la même chose. Du coup, je pense qu'ils ont du mal. Ils ravitent toujours la même chose. On n'a pas bien été bien, mais la prochaine fois, il faut qu'on marque des points. C'est l'objectif. Voilà. Et Bottas dit je veux des évolutions. Et Joe dit ça s'est mal passé. Et tous les week-ends, c'est comme ça. Quoi. C'est... En vrai, ça va être compliqué pour ces gens-là, même pour l'équipe, pour les mécanos, pour la com et tout, de garder la motivation quand chaque week-end, c'est. Le film avec Bill Murray là, c'est un jour sans fin, c'est qu'ils répètent toujours la même chose, ils sont en fond de grille. Ouais, c'est ça, ils sont en fond de grille tout le temps, ils sont hors des points, ils visent jamais le top 10. Et maintenant le problème, c'est qu'avant dans des équipes comme ça, quand il y avait une course un peu folle, ils disaient on peut avoir une chance à saisir, mais maintenant il n'y a plus d'abandon, les voitures sont fiables, les pilotes sont fiables, donc en fait ils ont même pas de... Et en plus ils n'ont pas fait des décisions stratégiques exceptionnelles, donc il n'y a pas de, pas de chance quoi. Et quand même une stat assez terrible pour Joe, c'est que si on enlève les sprints, c'est la première fois qu'il bat Bottas en qualif sur un week-end de Grand Prix depuis Austin 2023. Jusqu'à présent, hein, voilà, c'est sa première Q2 de l'année aussi, Joe. Ah oui, ça c'est pas... Il y avait eu une SQ3 en Chine et une SQ2, je sais plus où, en Autriche peut-être, non, à Barcelone. Autriche. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. C'est vrai que c'est compliqué. Dommage qu'ils ont une superbe livrée, moi je maintiens, mais c'est pas... Et une identité exceptionnelle d'équipe, l'équipe crève l'écran, mais... Non, je rigole, c'est un peu moqueur, mais... On dit que c'est inquiétant pour Audi, en fait. En fait, on sait pas trop. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un peu de tension sur la ligne entre Inuit et Neubourg, mais bon, ça reste que des rumeurs pour l'instant, mais a priori, il n'y a pas de raison pour l'instant... Ça avance, mais ça avance pas vraiment en public, ça, en tout cas, c'est sûr. Non. Mais il y avait eu le fameux communiqué qu'on avait parlé la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, pour rassurer un peu tout le monde, disant que ça avançait et tout ça. Et on sait qu'ils font des travaux de fond et des changements d'infrastructure et tout, mais ouais, comme le dit Lambeau Diablo, la période de transition, elle est difficile, quoi. Et là, je pense que 2025, ça va être la même chose, mais en pire. Et parce que je ne les vois pas gagner du temps par rapport aux autres équipes. Et je pense que ça va être un bourbier sans nom pour Hülkenberg et son futur équipier. Et ils doivent vraiment espérer que le moteur Audi sera bien meilleur. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Satanas dit on n'a pas le droit de critiquer les pilotes, mais Joe est quand même relativement peu bon. Alors, déjà, j'ai pas dit que tu n'as pas le droit de critiquer les pilotes. Nous-mêmes, on le fait. Je dis qu'on n'a pas le droit de dire ils sont nuls sans rien dire derrière. Parce que c'est un peu injuste pour leur niveau. Maintenant, effectivement, dire que Joe n'est pas au niveau, ça me paraît pas volé. Parce que le fait est qu'il est face à un Bottas qui n'est pas forcément au prime de sa carrière et que malgré tout, Bottas le rouste week-end après week-end depuis le début de saison à une exception près. Donc, quand on dit pas au niveau, c'est un niveau extrêmement élevé aujourd'hui en F1. C'est ça. Ouais. Donc il est très bon, Joe. Moi, je suis convaincu qu'un mec comme ça, tu le fous dans un proto du Mans, il joue la victoire sans problème. Par contre, voilà, on est en Formule 1, on n'est pas au Mans, on n'est pas en IndyCar et j'ai très, très grand respect pour ces championnats aussi. Mais la Formule 1, c'est... Je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau d'excellence que demande la F1 et que ce soit pour les pilotes, les teams principaux, les mécanos, les ingénieurs, tout en fait. Et un pilote qui est un peu en dedans, bah ouais, c'est vrai que ça fait tâche, mais oui, après Joe est effectivement pour le niveau que demande la F1, il me semble un petit peu limite. Et moi, je serais pas étonné que l'an prochain il soit plus là pour le coup. puisque bon là on n'a pas de logique dans la tendance actuelle. C'est si on exclut Perez qui a des problèmes un peu différents, c'est le pilote le plus lent de la saison, Guanyu Zhou. Enfin, je place Sargeant devant lui actuellement, c'est pour dire quoi. Donc c'est vraiment pas brillant, mais encore une fois c'est pas brillant dans la formule actuelle qui, comme on le dit, on le répète semaine après semaine, est à un niveau qu'elle n'avait peut-être jamais connu. Donc c'est ça aussi, il n'y a pas non plus à des années-lumière, il est juste dans les trois plus lents de la grille actuelle, ce qui est encore une fois pas honteux, mais juste les faits sont là. Alex va pouvoir rajouter une ligne dans les stats après le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est la première fois que Next Gen Zoo parle plus de 5 minutes de suite sur de Steak F1. C'est exceptionnel. il y a toujours des choses à dire. Hein. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à dire. La prochaine fois, on fait un défi, on fait que l'émission sur Steak. Oh merde. On tient 2 heures. On pourrait, je suis sûr. Tellement de choses à dire. Alors non, Tsuchimaki, c'était pas un scud à Michael par rapport au JD, on n'est pas en IndyCar. Comme je dis, j'ai un respect immense pour les pilotes d'IndyCar et tout ça. Hein. C'est de l'élite à chaque fois, mais en fait, c'est juste que la Formule 1, c'est autre chose. Et quand si vous parlez un peu avec des gens qui sont dans des équipes, qui sont du milieu et tout ça, il y a vraiment une différence énorme d'attente, d'exigence et d'excellence. Donc là-dessus, ça rend la moindre personne faillible un petit peu compliquée. Ça rend sa carrière un petit peu compliquée. Puis, il suffit de voir à quel point les pilotes veulent y être, quoi qu'il arrive. Mmh. Regardez Magnussen qui renonce à un volant d'usine chez Peugeot en endurance et à un volant chez Chip Ganassi en IndyCar. Donc, a priori, sur le papier, deux beaux contrats et deux voitures compétitives. Bon, mais c'est un peu compliqué pour Peugeot en WEC. Mais pour aller chez Haas, pour revenir en F1 chez Haas, a priori, en fond de peloton, parce qu'on ne s'attendait pas au début de saison de Haas de 2022. Donc, ça situe aussi où se situe la Formule 1 par rapport à toutes les disciplines pour les pilotes. Parce que si vous renoncez à jouer la gagne en IndyCar et au Mans, potentiellement, pour aller chez Haas F1, ça situe quand même à quel point c'est le Graal pour tout pilote d'y être, même si c'est en fond de grille. Totalement d'accord. Mais ça, c'est clair et net. C'est le plus cruel et le plus violent des sports en termes d'attente, en termes de pression et tout ça. Mais s'ils veulent tous y aller. Et j'étais au WEC à Spa il y a quelques semaines et ils ont demandé à Mick Schumacher ce qui était mieux à conduire entre une F1 et un proto du Mans. Et il a dit tout le monde vous. Enfin, il a dit cette question est encore posée, mais tous les pilotes vous répondent la même chose. Il n'y a rien de mieux qu'une Formule 1 et je me range derrière cet avis. Et pourtant, il était pilote représentant du WEC à ce moment-là. Donc, il y a au-delà du prestige, il y a le plaisir en piste qui est clairement, a priori. Incomparable au volant d'une Formule 1. Mais en même temps, ça va 10 secondes autour plus vite que n'importe quelle autre voiture. Donc forcément, il n'y a pas de pour des pilotes comme eux, il n'y a pas d'équivalent. Oui, d'accord, c'est le Graal, mais il y en a des moins bons qui méritent plus leur place. Ah mais ça, on est totalement d'accord. C'est aussi pour ça qu'il faut justement que le peloton se change et que des Perez qui monopolisent une Red Bull ne soient pas là l'an prochain. Ça paraît évident. Et dernière équipe de laquelle on va parler. C'est Alpine qui n'a pas passé un très bon week-end, si on peut employer un euphémisme. Ocon termine 16e après une élimination en Q1. Gasly abandonne après avoir pris le départ depuis Londres, puisqu'il avait 50 places de pénalité. Alors, pénalité évidemment qu'il a choisi de prendre ce week-end, puisqu'il avait laissé sa place. Enfin, il devait la prendre, du coup, il a pris 50 places, il savait qu'il partait des stands. Il a laissé sa place à Douane en EL1, donc il savait que ce week-end serait compliqué. Et que la course serait compliquée, elle n'a pas été puisqu'il a abandonné avant le départ. Donc comme ça, c'était réglé. Problème de boîte de vitesse, a priori, sur la A524 numéro 10. Et puis Ocon, piégé en qualif par une question de timing. Je ne sais même plus comment il a dit ça. Oui, ils ont cru, effectivement, que sur le oui. qu'il ne passait pas le drapeau à damier. Attends, en fait, il l'avait passé juste avant, et en fait, mauvaise compréhension de ce qu'il y a sur son volant et de ce que l'équipe lui a dit. En fait, il aurait pu faire encore un tour de poussée supplémentaire pour passer effectivement en Q2. Enfin, il avait le potentiel pour, en tout cas, parce que la piste était en grande amélioration. Oui. Ouais, donc, c'est à voir. Et je crois qu'il signe leur plus mauvaise qualification depuis je ne sais plus quand, Alex. Pour Alpine, c'était Tolman, c'est la plus mauvaise de la qualif depuis Tolman 81. C'était d'ailleurs Silverstone aussi, où Warwick et Hunton n'avaient pas réussi à se qualifier. Donc, voilà. La pire qualif de Team Denstone depuis 43 ans. Quoi. Ça sent plus un week-end accident qu'à une vraie redescente aux enfers pour Alpine. Ils ont fait 19 et 20 à... Ah mais tu parles à Silverstone juste? Parce que... 19 et 20... Ouais, non, ils font 19 et 20 à Bahreïn, ah oui, oui. Non, parce que leur qualif... Ils ont fait 19 et 20, Du coup, c'est pire de ne pas te qualifier, c'est quand même vrai. Hein ah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ils ont fait mieux qu'à Bahreïn, oui. Mais ouais, c'est, ne pas se qualifier, c'est pire que de faire 19 et 20 en soi. C'est... Ouais, oui. Après, ben, en fait, c'est juste que Gasly était quand même. Gasly fait quand même un chrono. Il se qualifie dernier, mais parce qu'il ne pousse pas trop. En fait, il a dit le but c'était de ne pas pousser en Q1 pour ne pas éliminer Ocon. Donc il savait très bien qu'il serait quand même short pour passer en Q2 quoi qu'il arrive. C'était pas un très bon week-end en termes de performance. Et puis, ça bah, pareil, confiance qu'il y a Ocon aussi. Ouais, ouais, bah ça après c'est. D'ailleurs, Gasly n'a pas dit une seule fois Esteban du week-end, il a dit l'autre voiture. Ce qui est toujours un signe de camaraderie très très prononcé. Et voilà, et puis Ocon, bah pareil, hein, la même stratégie que Perez et Leclerc, mais en pire, donc ça a été vraiment compliqué. On rappelle que classement, Oliver Bierman est toujours devant Gasly et Ocon. Après, l'actualité, ouais, l'actualité d'Alpine pour eux, c'est surtout 2026, hein, finalement. C'est peut-être ce probable accord avec Mercedes. Voilà, qui Toto Wolff a encore confirmé que c'était bien, sur la table. Donc, voilà, et que bah, Flavio Briatore a dit voilà, il y a un contrat Alpine-Mercedes F1 sur la table. Donc, si à Capo Carlos Sainz. Donc, je pense que si Alpine réussit à avoir le moteur Mercedes, Carlos Sainz. C'est aussi pour ça qu'il embête tout le monde, quoi, parce que forcément, il prend son temps et Alpine, Mercedes, ça ne va pas se faire non plus en 3 minutes chrono non plus. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc, si maintenant Carlos Sainz a vraiment décidé d'aller chez Alpine, Mercedes, F1, bon, bah, les autres vont bouger, quoi. C'est le moment où ils vont dire ok, c'est bon, on va signer avec Mercedes. Voilà, le puzzle va se mettre en place. Voilà, exactement. Et voilà, donc là je suis désolé pour les gens de Viry qui nous écoutent en live ou en replay ou tout ça, mais je crois que malheureusement, Briatore et De Meo, on peut signer l'arrêt de mort du programme moteur 2026. Quand ça commence à s'étaler autant dans la presse, voilà, et que Briatore le dit clairement qu'il veut ça, et que c'est même en fait le projet qu'il propose à Sainz, clairement, voilà, il n'y a plus trop de doutes à se faire sur la volonté de Renault de se passer d'un paramètre de l'équation qui a toujours été un paramètre un peu bancal là, dans la compétitivité de Renault avant, puisque le moteur hybride n'a jamais été au top du top depuis 2014. Bon, je ne parle même pas de la première année où c'était le pire moteur dans la Red Bull notamment. Et voilà, mais après ils ont su quand même se rattraper, mais ça n'a jamais été le moteur le plus puissant, reconnu comme le plus puissant. Ça a toujours été entre Mercedes, puis Ferrari, puis Honda, ça voilà, et puis maintenant on parle. Ça a été cruel que Honda leur passe devant comme ils ont réussi à faire, parce qu'Honda a beaucoup progressé là où Renault n'a pas réussi à faire autant aussi bien. Donc voilà, donc c'est économie d'échelle, c'est pas de clients derrière, c'est des centaines de millions d'euros de gagner et pour une compétitivité qui sera certainement meilleure. Voilà. Donc, quand on voit ce que McLaren arrive à faire avec un moteur Mercedes dans le dos, même Williams aussi, voilà, bah, y a pas de raison qu'Alpine ne puisse pas s'en sortir. Donc, du coup, après, la pression va vraiment revenir sur Enstone. Quel naufrage en termes d'image, quand même. Vraiment, moi, je le maintiens. Renault motorisé par un concurrent. Enfin, Renault qui a historiquement été toujours. Il y a déjà eu un moteur Mercedes, hein, Enstone, hein, il n'y a pas très longtemps. Mais... Oui, c'était Lotus. Après, c'est pas fini. Hein. Briatore, il va vouloir acheter des pièces à Dallara sur le châssis. Une As, une version As. Parce que j'allais dire, il va acheter des pièces à As carrément. Tu sais. C'est pas une Ferrari à la française, c'est une As à la française. c'est le bâtiment d'à côté, il a frappé au mauvais bâtiment à Malarenello, tu sais. Ils feront une As à la roumaine, ils vont se rebaptiser Dacia carrément, comme ça au moins il y aura moins d'engagement en termes de marque. Et ce sera un peu plus. Et Dacia Mercedes, beaucoup serait bien pour Dacia. Non, bon bref, on est un peu méchant et je veux pas être méchant, je veux pas tirer sur l'ambulance parce qu'ils vivent une période compliquée. Et encore une fois, ça implique des milliers de personnes, donc c'est un peu dommage. Mais après, effectivement, il y a des commentaires très justes dans le chat qui disent se débarrasser de la relation Gasly-Ocon pour recruter Sainz, c'est un pari aussi, hein, parce que Sainz c'est pas le dernier à emmerder son équipier si ça va pas. Donc c'est un petit peu compliqué. Jockey demande de F1, il saute quand? On peut pas faire sauter le directeur tous les 6 mois. Hein. Ça marche pas comme ça. Non, l'équipe de F1. Si Briatore est là pour donner les directions, signer les contrats, recruter les bonnes personnes, F1, il fait la petite besogne derrière. C'est-à-dire qu'il gère l'équipe au jour le jour. Quoi. Ouais, et puis c'est quand même un désaveu. Briatore qui a dit voilà, c'est une décision stratégique sur le moteur que je vais prendre moi avec Luca De Meo. Voilà, on a oublié Bruno F1. Voilà, c'est vrai que c'est moche. Décision stratégique. Mais. Après, Bruno Famin, qui, on se rappelle, n'a pas été capable d'appeler Carlos Sainz, savoir s'il était intéressé par un volant Alpine en 2025 aussi. Hein. Ça, c'est quand même un vrai... pour moi, c'est un des gros désaveux pour Famin. Il a pas son numéro. Il a demandé à Laurent Rossi, il a le numéro de tout le monde, lui. Ouais. Ah non, pardon. Il a dû appeler Loïc Duval, Franck Montagny, ils ont fait un peu jouer au sport. Pff, là, mais quel enfer. Benoît Trélué, allô. Ouais, c'est Henri, ça. Il a appelé Henri, un. Carolo, vous êtes disponible? Probablement, c'est un mec de chez Audi qui avait le numéro de Carlos Sainz Senior pour un numéro de Carlos Sainz Junior. Enfin, bref. C'était un petit peu compliqué. Non, mais voilà, c'est vrai qu'Alpine, bon, encore une fois, on n'aime pas tirer sur l'ambulance et ce n'est pas un manque de respect pour les gens qui travaillent dedans. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, moi, c'est vraiment. J'en reviens toujours à ça. L'image d'Alpine, elle est désastreuse en ce moment parce que. On le répète, c'est pas une critique sur le moteur, c'est pas une critique sur le moteur actuel, c'est juste qu'il y a une incertitude évidemment totale sur le projet 2026 et qu'ils se disent on enlève ce paramètre-là. Peut-être que le moteur 2026 de Renault aurait été stratosphérique, mais je pense qu'on ne le saura jamais. Et puis c'est... Alpine est déjà en retard hein, sur son choix moteur, c'est James Wolff qui l'a souligné justement dans le paddock à Silverstone. Il a dit voilà, en fait, nous, ça fait un moment, ça fait des mois qu'on parle déjà avec Mercedes d'intégration dans le châssis, préparation de 2026, etc. Donc je ne sais pas où en est Alpine, mais à mon avis, ils sont déjà en retard. Alors bien sûr, c'est un moyen de mettre la pression sur Alpine en leur disant bah non, il vaut mieux que vous restiez avec leur moteur, parce que si Alpine prend le moteur Mercedes, du coup ça rend l'équipe plus attractive pour Carlos Sainz, pilote que voudrait bien James Wolff. Donc bien sûr il y a des jeux politiques derrière, mais voilà quand même hein, l'horloge tourne déjà hein, donc il faudra prendre une décision d'ici septembre vraiment maximum pour Alpine, et ils sont déjà juste au calendrier, voilà. Et pour dire qu'ils sont à 18 points de base au classement, donc ça fait quand même un gros écart. C'est vrai que si Toto veut Carlos, Toto ne fournit pas un moteur Alpine, le moteur Mercedes Alpine. Ouais, c'est ça. C'est différent. Renault Petit s'est engagé de la F1 au bout d'un moment. Alors l'avantage que pour le projet, c'est malgré tout que c'est très, très lucratif. Une équipe de F1 aujourd'hui gagne en valeur, donc il n'y a pas de raison de se désengager. Surtout que eux, ils sont revenus par la petite porte en rachetant Lotus qui ne valait plus rien grâce à Gérard Lopez. Donc là, ils sont sur un bénéf absolu et ils n'ont pas de raison de vendre. Et surtout, une fois que tu décroches le département moteur, l'équipe est beaucoup plus facile à vendre quand tu le veux, mais du coup tu peux attendre qu'elle gagne en. Le groupe se porte hyper bien, donc il n'y a même pas besoin de stocker 1 milliard ou 1,5 milliard derrière. Tout va bien côté finance aussi, ce qui n'était pas le cas effectivement il y a 4 ans. Hein. Ah bah non. Au moment du Covid, c'était bien différent parce que Renault était en grosse galère et le programme F1 était vu comme quelque chose qui était totalement inutile dans le groupe, alors que là maintenant la situation est très différente. Donc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alpine devait recruter Pérez, sans pression, ça devrait le faire, dit Étoile Polaire. Pérez, Sainz, je prends quand même Sainz. Hein. Oui. Tous les jours. Tous les jours, ouais, tous les jours. C'est sans faute. Non, mais c'est clair. De toute façon, Sainz, il a raison d'attendre, puisque c'est le, encore une fois, comme on l'a dit ces deux dernières semaines, c'est le meilleur profil sur le marché. Donc, les équipes attendent après lui et pas l'inverse. Hein. Le problème, c'est que Pérez, pour qui il va le sauver c'est fou. Il a été tellement. Juste pour faire une parenthèse sur lui, effectivement, Pérez est sur le papier un pilote très très bon à signer, mais il s'est tellement détruit mentalement par Verstappen chez Red Bull que je pense qu'aucune équipe ne peut avoir le luxe de prendre ce risque. Voilà. Et puis il y a tellement de bons pilotes qui attendent, et même des jeunes pilotes aussi, donc personne ne prendra le risque. Peut-être en troisième pilote, qui sait, voilà. Et on le fait tourner, voilà, mais. Toujours pareil, tu le fais tourner en essai privé, tu n'auras jamais la pression d'une compétition, tu n'auras jamais la pression du chrono, tu n'auras jamais la pression du week-end derrière. Et voilà, je pense que Pérez, malheureusement, déjà, il sauve sa place au tout dernier moment en allant chez Red Bull, parce que sinon, il était éjecté de Racing Point, et il n'avait aucune place. Hein, donc, il doit déjà sa place qu'à un coup de fil de dernière minute de la part de Red Bull. Donc, On se rappelle de cette annonce où il raconte que sa carrière va se poursuivre chez Red Bull. C'est une annonce qu'il avait faite sur un téléphone mobile en n'ayant pas de réseau depuis une chambre d'hôtel. C'était assez, assez folklorique. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que Pérez, oui, c'était déjà sa deuxième chance. Et là, je pense qu'il n'aura pas. À mon avis, il vaut mieux qu'il se tourne. S'il veut continuer à compétition auto, qu'il se tourne vers le WEC ou vers autre chose. Mais la F1, je pense qu'il va falloir admettre que c'est fini. Elle est vice-champion de GP2, hein, pas champion. Donc, Non, Pérez, je le vois très très bien en IndyCar, moi. Il veut rester plutôt proche de, à mon avis, je pense, du Mexique, genre de choses. Je pense que. Maintenant, je vois non plus, ouais. Ah, s'il va en IndyCar, je pense qu'en plus, l'IndyCar serait très contente de pouvoir organiser une course au Mexique, du coup. C'est clair. Même s'ils ont déjà Pato Award, mais je pense que ce serait un argument en plus, quand même. Ah bah pour le coup, il arrive en IndyCar, c'est une superstar. Hein. Encore une fois, on le dit, quand vous arrivez de la Formule 1 dans un autre championnat, vous êtes quoi qu'il arrive une tête d'affiche, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il attire l'attention. Et comme on le voit chaque année au Grand Prix du Mexique, c'est un héros local. Hein, donc à ne pas sous-estimer, évidemment, pour tout championnat ou même toute équipe, ce serait un énorme coup de pub. De toute façon, on rappelle que Marcus Ericsson a remporté l'Indy 500. Donc à partir de là, on voit le step inverse que ça fait, sans vouloir accrocher avec lui. Hein. C'est juste factuel. Il a fait gagner deux fois, alors. Oui, c'est pas passé loin du tout. C'est vrai que c'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, donc ça c'était un Grand Prix de Grande-Bretagne, ma foi, fort sympathique. On s'attend à beaucoup de courses comme ça jusqu'à la fin de saison, maintenant que les écarts sont très très serrés et puis que la hiérarchie bouge beaucoup. On aura sûrement des courses un peu plus pénibles sur certains circuits. La Hongrie aura toujours le problème du manque de dépassement, mais la Hongrie est aussi un circuit à l'ancienne. Donc aura... quand même. Avec la ligne droite qui a été prolongée quand même il y a quelques années déjà, ça. C'est vrai. On a quand même déjà bougé. Et circuit à l'ancienne de toute façon. Si tu fais 35, 36, 37 degrés, les pneus vont jouer beaucoup. Les pneus vont jouer beaucoup. Stratégie pneus va être ultra importante pour dépasser. C'est ça, et puis Spa-Francorchamps aussi, avant la pause, nous fera toujours le plaisir d'être un Grand Prix beau à voir et souvent animé en piste. Bah en tout cas voilà, c'était donc la 12e manche de la saison. Nous venons officiellement de passer la mi-saison avec un triple header qui a fait quand même une grosse fatigue. Du coup on va prendre une petite semaine de break pour souffler un peu. Toujours la fiesta le 14 juillet évidemment. Non. Évidemment. Tout solide avec une tisane. C'est ça. Tu veux voir même le jour on annonce Verstappen chez Mercedes. Putain. Ouais, ce serait pas étonnant que ça arrive un jour comme ça. Non, mais voilà, en tout cas c'est vrai que. Après, on aura 4 semaines de pause avant Monza et Zandvoort, dans cet ordre-là. Non, Zandvoort et Monza. Il y a encore un trou d'un mois aussi entre deux Grands Prix chez au moins. C'est pas l'an prochain, ça ? Non, septembre-octobre, il y a un trou d'un mois, là. Et oui. C'est vrai que c'était l'an prochain, ça. Non, c'est encore un autre trou cette année. Je vérifie. Ah bon ? Si, j'ai calé des trucs. Hein, Il n'y a vraiment pas assez de courses, hein. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Franck, je crois que tu... Non, fait, 20, a, voilà, a... 22 septembre, 20 octobre, c'est entre Singapour et Sydney, un mois. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Très bonne nouvelle. Il y a quand même les playoffs qui décident les pilotes qualifiés pour la fin de saison. Ah oui, c'est ça. Il y a un championnat pendant le mois où il n'y a pas de course. Ce sera avec d'autres voitures, évidemment. Les courses par championnat. C'est ça. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette 12e édition de Grand Prix de l'année, du coup. On se retrouvera évidemment, entre-temps, on ne vous abandonne pas non plus, on est toujours sur Next Gen Auto à faire beaucoup de contenu écrit. On aura aussi peut-être des annonces, s'il y a des annonces qui en valent le coup, on prendra la parole évidemment pour faire un petit débrief avec vous en semaine. Ça, on ne se l'interdit jamais. Et puis, sinon, on se retrouvera... dans deux semaines pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Et puis, voilà, d'ici là, que vous pourrez suivre évidemment sur Next Gen Auto, comme toujours. Dans les informations, les informations utiles à votre vie de fan de Formule 1, rappelez-vous que si vous voulez regarder une course en replay sur F1 TV, c'est avant le 11 juillet, puisqu'à partir du 11 juillet, c'est interdit en France. Donc, non, mais c'est un peu une mauvaise nouvelle, c'est un peu tragique, moi je suis très déçu. Mais si quelqu'un avait prévu de regarder par exemple le Grand Prix de Grande-Bretagne qui n'a pas encore vu, même si on s'est en fait spoiler le résultat, ou de le revoir cette semaine, pensez-y avant le 11. Voilà, c'était le petit conseil. D'ici là, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Franck, merci Alex, merci Paul d'avoir été là aussi. Merci. Et puis, merci, on se retrouve dans deux semaines au plus tard pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.